disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 21. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire à l'adresse suivante, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à rejoindre le forum eelb.su pour Europe Écologie Les Bruns pour commenter les articles qui passent sur démocratie participative, mais aussi pour participer aux différentes sous-sections du forum. Elles sont diverses. Je vous invite à les découvrir. J'en profite immédiatement pour préciser que le nom de domaine de démocratie participative a changé. C'est désormais démocratieparticipative.quest. Donc .quest, c'est-à-dire en épelant, ça donne Q-U-E-S-T. Q-U-E-S-T. Et avant, on était en .cc. Le nom de domaine est régulièrement censuré par le gouvernement français. Donc, ce qui nous oblige à changer le nom de domaine. Donc, à cet égard, maintenant que le nom de domaine a changé, n'hésitez pas à faire connaître le nouveau nom de domaine à vos connaissances, à vos amis, à vos contacts sur les réseaux sociaux par email, afin qu'ils puissent nous suivre si éventuellement ils nous perdent en route. Et auquel cas, le cas échéant, je le dis aussi, si d'aventure vous ne savez pas où nous retrouver, prenez simplement le soin de relever notre adresse email que j'ai citée précédemment pour nous demander quelle est la nouvelle adresse. C'est aussi simple que ça. Alors, avant de poursuivre, je vais présenter les membres qui participent cette semaine. Je commence sans transition avec Vitman, ou Michael. Hein. Salut Vitman. Salut Gandalf. Salut à toute l'équipe et salut. Et en ce 6 juin, je commémore notre libération des méchants blonds d'Allemagne par les gentils nègres d'Amérique. Voilà. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est le 6 juin. C'est bien de l'observer. Est avec nous aussi cette semaine Fulbert. Salut Fulbert. Bonsoir. Enfin bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous Alexis cette semaine. Salut Gandalf, salut à tout le monde. Nous rejoint aussi Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. Et enfin, nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine aussi Diabolix. Salut Diabolix. Salut Gandalf, salut à tous. Alors messieurs, avant de poursuivre, je tiens à remercier nos donateurs. D'abord tous ceux qui nous soutiennent anonymement et qui ne se manifestent pas. Merci à vous de nous soutenir. Vous savez, chers auditeurs, que si vous le souhaitez, vous pouvez, sur la base du volontariat, nous soutenir financièrement en usant de la crypto-monnaie Monero, garantissant l'anonymat de celui qui envoie comme de celui qui reçoit, ainsi que son montant. Voilà, si vous souhaitez nous soutenir, utilisez la crypto-monnaie Monero. Alors, je tiens à remercier cette semaine Fredo qui nous a envoyé un don. Bonjour, chers démocrates, pouvez-vous me confirmer la bonne réception de mon don de 0,15 Monero ? N'étant pas aguerri avec cet outil, étant sans réponse de votre part, ah, peut-être qu'on n'avait pas encore répondu, bah, ça sera fait. Le doute peut s'emparer donc sur le bon déroulement de la transaction. Oui, ça ferait. Voilà. Ça sera fait, Fredo. Vaginocratie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de cette histoire de... Je ne sais pas si on en avait parlé, je crois que oui. Cette histoire d'accusation de viol contre Patrick Poivre d'Arvor par une espèce d'écrivain raté qui s'appelle Florence Porcel. Je crois qu'on en avait parlé dans l'émission. Ma mémoire me fait défaut. Toujours est-il que on a de nouveaux développements, donc revenons là-dessus. Alors, BFM TV et France Info ont dévoilé plusieurs messages échangés entre Florence Porcel et Martine P., une autre romancière au sujet de l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1. Il y a une semaine, Patrick Poivre d'Arvor a été entendu en audition libre par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, la BRDP, de la police judiciaire parisienne dans le cadre de l'enquête ouverte pour viol après les accusations de l'écrivain Florence Porcel. À cette occasion, les avocats de l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1 ont transmis aux enquêteurs des photocopies de messages échangés entre Florence Porcel et Martine P., une autre romancière. Parmi ceux-ci, les deux femmes évoquaient crûment des relations sexuelles qu'elles rêvaient d'avoir avec le journaliste, selon le Parisien. Une centaine d'échanges qu'a pu consulter BFM TV et que la chaîne d'information dévoile ce mercredi. Parmi eux, celui du 15 avril 2009 à 20h15 fait état d'un rendez-vous fixé avec PPDA. Reste à trouver le mec qui veuille bien assouvir mes envies. Je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29, je vois Patrick le 29. Du moins, je l'espère, il le faut. Ça, c'était Florence Porcel qui s'exprimait comme ça dans ce SMS. Dans d'autres messages, Florence Porcel et Martine P. évoquaient au contraire le comportement déplacé du présentateur de 20h TF1. Ainsi, le 1er décembre 2008, Florence Porcel a écrit « Il y a des jours où je balancerai bien un post anonyme pour dire que le roman parle de PPDA et appelé Closer avec une voix mystérieuse ». Donc en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle préparait déjà une espèce d'embrouille médiatique pour vendre son bouquin. De son côté, France Info a également eu accès à la plainte déposée fin mars par Patrick Poivre d'Arvor pour dénonciation calomnieuse. Dans celle-ci, l'écrivain évoque les messages vraisemblablement fournis par Martine P. Alors là, je cite « Bien sûr que je me ferai belle et bien sûr, toute nette épilée intégrale. Et il le découvrira et je lui ferai oublier toutes les autres. J'ai hâte d'être demain soir, de le serrer dans mes bras et de le repousser quand je n'en voudrai plus », a écrit Florence Porcel quelques heures avant un rendez-vous avec le journaliste. Donc en gros, elle voulait l'allumer à fond avant de le laisser sur le carreau, quoi. Donc bien le chauffer et ensuite le faire mariner, quoi. Selon ses avocats, ce dernier, donc PPDA, n'a jamais eu de relation avec la jeune femme. La défense parle même d'une machination pour se venger et s'appuie sur d'autres messages datant de décembre 2008. Je cite « Je me prépare psychologiquement à faire ce genre de choses avec l'aide de ma copine de fac qui y connaît un rayon en matière de buzz et de coup marketing. Je suis protégé, assez pour pouvoir me permettre de faire planer le doute et c'est le doute qui me fera de la pub. La vérité n'intéresse personne. » Puisque seule la polémique fait vendre. Donc ça, c'est encore une fois celle qui a déposé plainte récemment contre PPDA pour viol qui s'exprime ainsi, en 2008. Hein. Donc le 15 février dernier, Florence Porcel a déposé plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, qu'elle accuse de lui avoir imposé une fellation sans protection par la force lors d'une visite à son bureau en avril 2009. Elle aurait raconté aux enquêteurs que 4 ans auparavant, le célèbre journaliste et romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, aurait abusé d'elle après lui avoir permis d'assister au journal du soir en coulisses. Elle était alors âgée de 21 ans, convalescente d'une tumeur au cerveau et encore vierge, dit-elle, hein, tandis que PPDA affichait 36 ans de plus. Peu après, le journal Le Monde avait publié une dizaine de témoignages faisant état d'abus de position dominante de la part de Patrick Poivre d'Arvor au fil des années. Fin mars, l'ancien présentateur du journal de TF1, qui a toujours nié avoir imposé un rapport sexuel à Florence Porcel ou à toute autre femme, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre son accusatrice. Il n'a jamais imposé à qui que ce soit une relation, quelle qu'elle soit, et certainement pas à Madame Porcel, a affirmé Maître Nepels, qui le défend aux côtés de Jacqueline Lafont. Alors, je trouve que c'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Bon, sur le site, en tout cas, on avait présenté ça, tout de suite pris position en expliquant que c'était évidemment un coup monté. dans la droite ligne de l'hystérie collective montée de toutes pièces par les féministes autour de ce fameux courant MeToo, donc moi aussi en anglais, avec des folles se déclarant victimes de viol, etc. Donc là, évidemment, c'était une manipulation. Et c'est vraiment un cas d'école, puisqu'on a des textes très anciens qui démontrent qu'en réalité, elle a lancé sa cabale il y a quelques mois, mais elle y pensait déjà il y a plus de 13 ans. Ça fait 13 ans qu'elle songe à monter de fausses accusations de viol contre PPDA pour faire du buzz, tout en voulant effectivement coucher avec lui et même à le faire tourner en rond, à le tourner en bourrique pour abuser de lui et de son influence. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur cette affaire ? En fait, c'est tout bénef pour les gonzesses. Donc PPDA, il a un ascendant professionnel sur ses pairs qui n'a pas volé, je pense, parce que il est plus présentateur pardon, que journaliste. Donc il est là pour présenter des sujets, peu importe le contenu. Et donc, sur sa présentation, il est assez impérial. Hein. Et il y a des groupies qui tournent autour. Certaines sont plus avenantes que d'autres. Et donc là, cette nana a décidé, en fait, elle avait rien à perdre. C'est-à-dire que si elle décide de le draguer à l'avance, bien sûr, hein, tout ça est planifié. Si jamais PPDA accepte des avances, par exemple, en échange de, je sais pas, tu me fais passer dans telle émission, tu m'obtiens tel poste, elle gagne. Et si jamais PPDA refuse, du coup, après, elle peut crier au viol et tout. C'est le genre d'accusation où, en fait, la personne qui accuse est toujours blanchie. Et par contre, celui qui est accusé, même s'il n'y a pas de preuves contre lui, c'est très difficile après de revenir en arrière. Si jamais demain, vous accusez quelqu'un publiquement de viol sans preuve et que du coup, l'affaire n'aboutit pas justement parce qu'il y a un manque de preuves, les gens se diront tout le temps « Ah oui, mais quand même, est-ce que ça serait pas… » Il y a toujours un doute. Voilà. Donc PPDA, maintenant, il doit planer avec ce doute. Et cette nana-là a fait ça, bien sûr, pour vendre des bouquins, pour se faire connaître, pour le buzz. Parce que sinon, elle n'existe pas. En fait, d'ailleurs, elle n'existe publiquement qu'à travers PPDA. J'ai bien aimé la réponse qui a été faite par l'avocate en fin d'article. PPDA, en gros, n'a jamais imposé une relation à qui que ce soit. Et certainement pas à Madame Porcel, parce que c'est vrai que quand on voit les photos... Si PPDA a accès aux femmes facilement, je veux bien croire qu'il a accès aux femmes facilement, je ne vois pas pourquoi il aurait jeté son dévolu sur cette femme en particulier qui n'a aucun atout physique, quoi. C'est vraiment c'est le dernier choix, quoi. Donc voilà, c'est l'hystérie féministe. Le problème d'Internet aussi, c'est aussi ça, c'est que pas que d'Internet, c'est aussi le problème du féminisme en général, c'est qu'on donne de l'importance à des choses qui n'en sont pas. On donne du crédit à tout et n'importe quoi. Ça va être assez compliqué pour lui de se défendre, même si il est innocent. Je pense qu'il est innocent. Je vois très mal PPDA commettre une agression sexuelle, quoi. Franchement, ça colle pas du tout au personnage. Mais bon, je les connais pas dans l'intimité. Du coup, en fait, même moi, je suis en train de vous dire, peut-être que voilà, quoi. En fait, elles ont gagné parce qu'il y a toujours ce peut-être que connasse. Bah, c'est ce qu'elle dit, hein. Je recite encore ce qu'elle a exprimé dans décembre 2008. Je me prépare psychologiquement à faire ce genre de choses avec l'aide de ma copine de fac qui connaît un rayon en matière de buzz et de coup marketing. Donc on est dans un projet de promotion de livres qu'elle écrit. Je suis protégé assez pour pouvoir me permettre de faire planer le doute, donc ce que tu as dit, et c'est le doute qui me fera de la pub. La vérité n'intéresse personne puisque seule la polémique fait vendre. Donc ça, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ça casse l'image que les féministes essayent de véhiculer de femmes qui seraient innocentes, fragiles, incapables de la moindre intention hostile contre, vis-à-vis des hommes. Et ce qui ressort en réalité, c'est que les femmes n'utilisent pas la violence physique, contrairement aux hommes, parce qu'on dit souvent « les hommes sont violents, ça peut arriver, bien sûr ». Mais en fait, c'est une violence qui est assez limitée dans le temps, d'ailleurs, et dans sa portée, parce qu'en fait, la véritable violence qui peut mener à des drames, alors sauf les cas extrêmes de violence physique, je veux dire, mais bon, si t'as mis une gifle à une femme, c'est pas la fin du monde. D'accord, mais évidemment, si on va me citer un cas de meurtre, oui, bon, ça peut arriver. Mais bref, c'est pas du tout du même niveau que la violence psychologique qui peut durer très longtemps. Et c'est ce qu'elle explique. Elle dit voilà, aujourd'hui, grâce aux médias, grâce à la presse people, je peux monter de toutes pièces une non-affaire qui aura des conséquences sur la vie de PPDA pendant des années et des années et des années. En fait, je peux détruire cet homme. Je peux détruire toute sa carrière. Le type a passé 40 ans, il s'est fait lui-même, etc. Mais je peux détruire ça simplement avec une interview au bon journal People et un dépôt de plainte fictif. Et si je me débrouille bien pour verser une petite larme pendant l'audition, je peux peut-être mystifier les enquêteurs. Voilà. Et là, on voit ce qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire, on ne voit, donc dans ces messages, on voit la nature manipulatrice des femmes, qui ne misent pas sur la violence physique pour parvenir à leur fin, mais sur la violence psychologique. Et ça, on ne le dit jamais. Et avec ce mouvement MeToo, les femmes prétendent être innocentes de tout, ne jamais être responsables de rien, être des victimes en puissance qui n'ont droit qu'à des réparations et qui n'ont droit qu'à des avantages statutaires ou d'influence dans la société. On le voit. Et là, ce que j'ai trouvé très très révélateur avec cette affaire, c'est comment toute cette escroquerie, cette construction sociale, justement, s'effondre. Là, on voit vraiment ce que c'est que ces garces manipulatrices qui sont prêtes à absolument tout pour faire parler d'elles. Parce que ces femmes-là, cette femme-là, le seul truc qui l'intéresse, c'est faire parler d'elle. Elle n'a pas le talent littéraire, elle n'a aucun talent littéraire. Donc, par son bouquin, par son travail, elle n'arrivera jamais à rien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par, en gros, elle va allumer un mec connu, lui faire un plan viol scandale, et essayer d'en retirer de la notoriété, faire parler d'elle, faire émerger son nom, etc. Parce que ses bouquins en eux-mêmes ne valent rien. C'est ça le truc. Vous connaissez l'expression le bénéfice doit profiter à l'accusé, quelque chose comme ça. Eh ben là, c'est Bon, l'inverse. bah là c'est l'inverse, c'est ça. C'est-à-dire que en imaginant que PPDA soit blanchi par un éventuel procès prochainement, eh ben, les gens se diront: Ah oui, quand même, mais es-tu bien sûr que, avec l'accusation de viol ou d'attouchement, de pédophilie, des trucs comme ça, où en fait ça va toujours rester un peu en suspens. Donc ça c'est terrible hein, pour la personne qui est accusée et qui est innocente. C'est vraiment extrêmement injuste. C'est pas la première fois d'ailleurs que ce genre d'affaires explose. En fait, c'est vieux comme le monde. Ce qui me revient en tête plus récemment pour une autre personnalité, c'est le joueur de foot Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain, qui avait été en contact avec une nana qui. Je crois qu'il la connaissait. Je suis pas sûr de tous les détails, mais je crois qu'il la connaissait pas. Il l'avait vu juste sur Instagram. Et la nana, sa seule qualité, c'est qu'elle était bonne, en gros. Il s'était donné rendez-vous dans un hôtel et la nana avait commencé à vouloir être agressive, à vouloir le frapper pour créer un buzz, pour faire croire que finalement, pour espérer aussi des coups en retour de la part de Neymar et puis après faire son buzz et dire que c'était elle qui était agressée. Et elle a essayé de monter tout un char et puis en fait, ça a été démasqué parce que des vidéos ont été diffusées et on a bien vu que c'était elle qui a commencé à péter un plomb. Et qui a commencé à frapper le joueur de foot. Donc, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe, hein. Et en plus, il y a même un flou juridique sur les accusations, où en fait, on ne sait pas trop exactement la limite entre, j'en sais, je te fais une faveur sexuelle en échange, tu me places à tel carrefour professionnel intéressant, ou alors c'est l'agression sexuelle, ou alors c'est le viol. Les féministes du coup jouent beaucoup sur ce truc-là pour ce qui est d'une sorte de promotion canapé. C'est vieux comme le monde ce truc-là. Hein. Moi, il y a ce qui m'a frappé, c'est tiens, je vais dire du bien d'un juif. Alors là, enregistrez bien le truc, ça arrive pas souvent. Quand il y a eu le début de l'affaire Harvey Weinstein, vous savez, le producteur de la Warner. Au départ, ça a été, c'était en gros, on l'accusait de faire un peu de promotion canapé agressive, c'était ça. Et puis ça s'est transformé en agression sexuelle, viol, tout ça a été mélangé. D'ailleurs, c'est pas encore, ça n'est pas encore bien décousu. Au départ, l'histoire, enfin finalement, ce qu'on a essayé de nous vendre, c'était le mec là qui essayait de faire une DSK en gros, quoi. Il se pointe dans des chambres d'hôtel et puis il commence à violer tout le monde, ou une bruelle, tiens d'ailleurs, vu qu'on parle de la communauté. Et alors que finalement, quand on regarde un peu les faits qui ont été exposés au départ, c'était, bon, il est producteur de la Warner, donc vous doutez bien qu'il a, s'il faut trouver une actrice jeune, jolie et qui joue bien, il a l'embarras du choix, hein, d'accord? Donc il doit avoir une file d'attente énorme pour trouver une actrice. Et donc en fait, ce qui était exposé au départ, c'était des filles qui se présentaient à lui et qui disaient, je veux absolument tel rôle, je veux absolument le placer sur tel projet. Et puis en échange, tu chapeau pointu, quoi. C'est quand même pas la même chose qu'un viol. Voilà. Ouais. Pour en revenir à PPDA, ouais, Diabolix, vas-y, je t'en prie. Oui, en ce qui concerne les protections de la donzelle, j'ai au téléphone Gilles William Goldnadel et il m'affirme la chose suivante. Concernant Madame Porcel, bien qu'elle ait les pieds fourchus, elle n'est pas cachère. Je n'assurerai pas sa défense. Alors, quand PPDA, c'est marrant parce que ça déclenche, si vous voulez, un phénomène d'opportunité, un effet d'aubaine. Donc, quand il y a cette garce qui a monté cette cabale contre PPDA, on a vu immédiatement toute une série de traînées du même calibre se précipiter en disant « Moi aussi, j'ai été agressé. » Donc, le fameux mouvement MeToo, hein. « Moi aussi. » Non, non, mais il y a moi aussi. Donc, on les a jamais entendus avant, mais elles se précipitent tous. Non, mais non, mais en fait, moi, j'ai été. Et en fait, c'était toutes des journalistes. Et en fait, qu'est-ce que vous découvrez? Parce que j'ai lu ensuite les accusations. Il n'y avait pas d'accusation de viol en tant que tel. C'était toujours. Parce que quand vous creusez, viol, c'est pratiquement. Ah ouais, mais il m'a mis une main dans le slip. Vous voyez? Parce qu'elles n'osent pas à dire, ouais, c'est un viol complet, etc. J'ai été chez le docteur, il y a eu des constatations, etc. Parce que c'est ça, hein, un vrai viol. Vous allez chez le docteur et vous faites des constatations et tout ça est ensuite versé dans un dossier, d'accord? Faut quand même rappeler qu'on peut payer 90 euros d'amende en France si jamais on effectue des regards appuyés. Voilà. Ah ça je l'ignorais. Pour donner un peu le contexte. Ouais, l'ambiance. Donc dans les accusations de viol en général dont il est question, quand vous vous intéressez, c'est quelle était la nature du viol, vous découvrez, en fait, non, non, mais il m'a mis une main dans le slip, machin, etc. Donc, il n'y a jamais de viol au sens, enfin, il n'y a jamais, dans ce cas précis avec PPDA, il n'y a pas de viol. Ou alors, c'est des viols a posteriori. Donc, en fait, la gonzesse, elle a couché avec le mec, et le lendemain, ah bah non, mais en fait, je me suis fait violer parce qu'a posteriori, je regrette. C'est, vous voyez, c'est ça. Mais attendez, non, un viol, c'est pas ça. Un viol, c'est une fille qui a rien demandé à personne, qui est tout d'un coup qui est cernée par un ou plusieurs hommes et qui est contrainte physiquement à une relation sexuelle contre sa volonté explicite avec ce débat, etc. Voilà, ça, c'est un viol. C'est pas, ouais, non, mais en fait, j'ai couché avec un mec, mais oh là non, je regrette totalement, il m'a violé, quoi. Ou alors, ah ouais, non, mais il m'a mis une main au panier. Ah bon, d'accord, mais on peut vérifier ça, il y a une trace. Ah bah, ah ouais, non. Ah non, j'ai pas été chez le docteur, j'ai pas osé, j'avais trop honte. Vous voyez, c'est ouais, mais d'accord, mais c'est quoi les preuves matérielles? Et quand il y a eu, quand cette garce s'est mise à déballer ses insanités, qui sont donc un tissu de mensonges, on a vu toute une série de gonzesses qui avaient croisé PPDA dans sa carrière, soit d'autres journalistes, soit des assistantes, qui auraient aimé en fait coucher avec lui. Pour bénéficier justement de son influence et qui n'ont pas couché avec lui, voilà, beaucoup de frustration, de jalousie, qui arrive, non, non, mais en fait, PPDA, voilà, quand je prenais l'ascenseur avec lui, il faisait des allusions, etc. C'était que des propos comme ça qu'avait relayé le journal Le Monde. C'était pas, voilà, je peux vous certifier que j'ai été violé tel jour, à telle date, dans tel truc. C'était, ah oui, on s'est retrouvés ensemble, il m'a mis très mal à l'aise. C'est des trucs, c'est invérifiable. C'est invérifiable. Et voilà, on t'en compile 10 comme ça. Et c'est le dossier. C'est la base du dossier médiatique. Et ensuite, le doute fait le reste. Parce que les gens, ils ne s'intéressent pas aux détails. Ils s'intéressent pas aux détails. Ils lisent même pas les articles d'ailleurs. Ils voient Non, le non, ils lisent titre. le titre, hein. Ils lisent le titre et ça s'arrête là. Et tu regardes sur Facebook, c'est ça, les gens ne lisent même pas l'article et tu vas avoir 1000 commentaires sur le truc, ils ont tous un avis, ils n'ont même pas lu le fond de l'affaire, ils connaissent même pas les détails. C'est pour ça que sur toutes ces histoires d'agression sexuelle, il faut pas réagir. Faut pas réagir. Tous ceux qui partent, voilà, en trombe là-dessus. Je dis non, non, parce que vous avez trop de filles mythomanes qui se rêvent actrices, qui se rêvent journalistes, qui se rêvent romancières à succès, qui n'arrivent à rien parce qu'elles sont nulles, et qui tout d'un coup se mettent dans la tête d'abattre un mec dont elles espéraient qu'il leur servirait de marchepied, quoi. D'accord, c'est souvent ça, hein. C'est voilà, la nana, elle essaye d'être en tête à tête avec un acteur connu. C'est ce qui se passe avec Depardieu. Pareil avec avec Luc Besson et d'autres encore. Voilà, la nana veut être en tête à tête avec le type. Voilà. Et ensuite, elle monte un char. Voilà. Et en fait, elle est gagnante, comme elle le dit d'ailleurs Porcel dans son message de 2008. Elle dit, en fond, les gens s'en foutent de la vérité. Tu n'auras même pas besoin de prouver. C'est-à-dire que même si tu as une enquête et qui est conclue, non, non, il n'y a pas eu de fond, bah, elle va dire, bah, voilà, on n'avait pas d'éléments, mais... Et l'autre, elle va continuer à délirer. Mais ça a quand même eu lieu. Comme pour la Shoah, il n'y a pas de preuve. Mais... Voilà, bref. C'est ça. Et là-dessus, bon, bah, son nom est dans la presse. Elle est contente. Voilà, son nom est dans la presse. Elle est contactée. Tu as des gens qui sont très cyniques, qui disent, putain, je ferais bien un bouquin sur cette agression. Juste parce que, voilà, si tu peux caler le nom Depardieu dans un bouquin ou dans un article à sensation, juste le nom, tu vas faire des ventes. Ils en feront même peut-être un film, puis à la fin ils finiront par attention, ceci est une fiction inspirée peut-être de faits réels, précaution juridique. C'est quoi le métier de pigiste? Le métier de pigiste, c'est un type, il a généralement pas grand chose à dire et il faut qu'il ponde un article, donc sur à peu près n'importe quoi. Donc si on lui donne une affaire à peu près toute faite, le mec, il fait son article, il prend des précautions de langage. Ah, apparemment, pour PDA, il aurait sorti une blague salace, ou il aurait mis une main au cul. Est-ce que ça serait pas un fils de pute? Ah, puis il prend son article, il noircit du papier, et puis voilà, la machine est lancée. Bien sûr. Et on est dans un milieu qui est très compétitif. PPDA a peut-être frustré beaucoup de gens dans sa carrière. Voilà, il s'est fait peut-être des ennemis. Donc des gens qui vont ensuite... qui vont ensuite exploiter une faille, voyez, PPDA ou d'autres, voyez. C'est pour ça que sur ces questions-là d'agression sexuelle, d'allégation d'agression sexuelle, même quand c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas, moi je pense qu'il ne faut pas donner crédit à ce genre de truc parce qu'une femme se met comme ça à déblatérer sur la voie publique. Tant que vous n'avez pas un procès avec des éléments matériels qui sont versés au dossier, c'est-à-dire des traces d'ADN, etc. Et encore, hein, c'est pas uniquement des traces d'ADN, il faut encore prouver qu'il y a eu contrainte, hein, d'accord. Donc tant qu'il n'y a pas eu un procès qui conclut définitivement en viol, il faut pas comme ça en s'embarquer dans des allégations, des campagnes diffamantes, parce que c'est fait pour abattre l'homme blanc en dernière analyse. C'est ça l'idée qui est derrière tout ça. C'est d'abattre l'homme blanc. Et d'ailleurs, là, il y a un autre truc qui est intéressant aussi, dans le mouvement féministe. Pourquoi toutes ces gonzesses font tant de cas du viol? Parce que quand vous allumez votre télévision aujourd'hui, vous avez l'impression que les viols, c'est monnaie courante. Et quand les féministes vous décrivent le violeur type, c'est pas un afro-maghrébin. Hein. C'est un français de souche, cadre supérieur de 50 ans. Ou même un peu plus comme PPDA. Quoi. On vous dit, voilà, ça c'est le violeur type. Quand vous leur dites, ah ouais, mais il y a peut-être dans l'immigration, il y a peut-être aussi une tendance au viol, il y a peut-être une culture du viol dans l'immigration africaine, là tout d'un coup elles deviennent complètement folles, elles hurlent le racisme, et ça se termine très très mal. Donc c'est pas le véritable phénomène du viol qui les intéresse, c'est autre chose. Et quand vous vous intéressez aux statistiques, vous découvrez qu'officiellement en France, en 2018, il y a eu 22 000 viols. Il y en a peut-être eu un peu plus qui n'ont pas été répertoriés, mais officiellement, les chiffres officiels, c'est 22 000 viols. Ministère de l'Intérieur, 22 000 viols. Rapporté à la taille de la population féminine en France, à peu près 33-34 millions de personnes, de tous âges bien sûr, ça fait 0,06% de chance de se faire violer. Donc, vous allumez votre télévision, vous écoutez des féministes qui vous parlent d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de culture du viol, d'oppression patriarcale. Vous avez l'impression que les filles se font violer au coin des rues. Puis quand vous vous intéressez aux chiffres, vous voyez 0,06% de chances de se faire violer. Donc c'est inexistant. Et en plus, il faut rentrer là-dedans sur l'origine raciale des protagonistes. Hein. Faudrait... Et je ne parle même pas des cas d'inceste sur fond d'alcoolisme, de misère sociale, c'est-à-dire des cas très particuliers de viol. Vous voyez, donc quand on enlève ça et qu'on s'intéresse à ceux qui correspondraient éventuellement au profil du violeur dont nous parlent les féministes, on n'est même pas sur 0,06. On est encore à bien moins que ça. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça ne peut pas arriver dans les rues parce que les trottoirs ont été élargis depuis. Ouais, ben voilà. Non, mais... Donc pourquoi elle nous parle autant de ça ? Pourquoi les féministes nous parlent autant de viol alors que ça n'a aucune réalité statistique ? Ben, c'est parce qu'en fait, ce qu'elles veulent véhiculer comme message, c'est qu'elles veulent se faire passer pour des femmes qu'on veut violer. C'est ça qu'elles veulent dire. Elles veulent dire, en fait, on est tellement désirables qu'il y a des hommes en permanence, des hommes dominants, vous voyez, des mâles alpha qui en permanence veulent nous violer, quoi. Et quand vous regardez qui dit ça, 9 fois sur 10, c'est des boudins et des tarés. Il y a très peu de jolies gonzesses qui se plaignent du viol, hein, si vous regardez. Hein. Les hystériques de plateaux de télévision ou que vous voyez se rassembler dans les rues à hurler au viol, c'est des boudins. C'est des boudins ou des gouines. Comme Caroline de Hasle. Voilà, c'est ça. Oh, voilà, c'est ça. Alors, tu dois la culture. Quand tu, moi, je vois Caroline de Hasle me parler de culture du viol, moi, je m'interroge. Je veux dire, en quoi elle est potentiellement victime. Je veux dire, moi, j'aimerais pas avoir un dîner en tête à tête avec un truc pareil. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Donc, en fait, quand vous décryptez le truc, c'est une arnaque de A à Z. Et en fait, ce qu'elles nous disent, hein, toutes les féministes qui hurlent au viol, c'est qu'elles ont envie de se faire violer par des beaux mecs. Voilà ce qu'elles nous disent. Elles aimeraient se faire violer par des beaux mecs. Voilà. Des mecs qui sont beaux, qui ont du fric, qui ont du succès avec les femmes, qui ont de l'influence. Voilà ce qu'elles sont en train de hurler sur tous les toits, et qu'elles n'ont pas, et qu'elles n'auront jamais, comme la porcelle. Je pense que c'est très important de débunker cette histoire de culture de viol. C'est complètement... Et là où il y a une culture de viol, c'est dans certaines populations immigrées, notamment musulmanes, où la gonzesse, en gros, tu la tabasses et tu fais ce que tu veux avec, quoi. Et là, quand t'en parles, en revanche, là, les féministes, c'est bizarre, il n'y a plus un mot. Ça les intéresse pas, forcément. Forcément que ça les intéresse pas. D'accord ? Il n'y a pas de levier sur les hommes à influence avec ça. C'est pas intéressant. En plus... elles aimeraient aussi se faire violer par ces mecs-là, c'est probable. Quelqu'un là-dessus, sur ce... Ouais, ouais, sur la justice. Vous êtes, vous, qui nous écoutez là demain, accusé d'un truc pareil. Vous allez vous retrouver devant le magistrat, qui va être souvent une magistrate. Donc déjà, votre histoire va être mal engagée. Que vous soyez innocent ou coupable, déjà, c'est mal barré pour vous. Ça, c'était le premier point sur lequel je vais revenir. Tu veux dire, il y a un biais du fait que le magistrat est une magistrate dans 8 cas sur 10. Ouais. L'oreille attentive, hein. Non, mais c'est évident. Après, je pense qu'il y a aussi des femmes, je l'ai déjà vu, il y a quelques femmes magistrates qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Il y en a, c'est clair, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-unes aussi qui disent « Attendez, là, la connasse, elle croit s'en sortir vite fait. » Parce qu'il y a aussi, entre femmes aussi, ça ne se passe pas nécessairement bien, parce que ça suppose avoir une complicité, mais tu as des magistrates qui vont dire « Attends, elle me prend pour une conne ou quoi, cette greluche-là hein, ?» Tu vois, il y a aussi ce côté-là, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que tu as des féministes, des magistrates féministes, il y en a un paquet, qui vont être très complaisantes avec la version qu'on va leur présenter. Et il y a des phénomènes qui se multiplient de plus en plus sur les cas de divorce. Maintenant, c'est des cas de mariage, en fait. Hein, c'est la même chose. Hein. En termes de stats, maintenant, les mariages finissent par des divorces. C'est regrettable, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et si la nana, elle veut vraiment faire chier, bah, ce qu'elle fait, généralement, c'est qu'elle rajoute des accusations en plus au moment du divorce. Donc, il me frappe, il picole... il a dit tel truc, il m'a violé, il a touché la petite, voilà, et des trucs à peu près invérifiables. Donc ça va verser au dossier, ça peut être versé au dossier, il n'y a pas besoin de prouver ce genre de truc. Hein. En fait, s'il y a une preuve qui est en plus, bah, tant mieux pour la nana, du coup ça appuie sa théorie. Mais s'il n'y a pas de preuve, ça appuie quand même, parce que du coup, Il y a toujours l'accusation qui plane. Et donc, le mec, il va péter un plomb. Peut-être que du coup, quand il va dire, vous vous rendez compte, là, je suis en instance de divorce avec cette nana, là, il va ruminer avec ses potes et puis elle m'accuse d'avoir touché la petite ou de l'avoir violée ou de l'avoir frappée alors que ça ne s'est pas passé. Et ben, le mec, il va s'énerver. Il va essayer de contacter sa nana. Il va lui envoyer un message. Il va dire, t'es vraiment qu'une machin, tu mériterais une paire de baffes. Et du coup, la nana, elle va présenter au juge le SMS. Ah, vous avez vu, ça prouve bien que c'est un connard, c'est un violent, ce que vous voulez. Ça aussi, il faut en parler. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, non. Il faut comprendre que les accusations de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement moral sont régulièrement utilisées par les femmes dans leur stratagème de manipulation pour parvenir à leur fin. C'est très, très fréquent. Donc, c'est de la violence psychologique. Et les femmes sont beaucoup plus fines d'ailleurs dans ce domaine-là. Les hommes, ce n'est pas très courant de trouver des hommes qui savent, qui utilisent ce genre de... Il y en a, mais ce n'est pas très courant. Je veux dire, c'est vraiment un trait féminin. La manipulation psychologique, le mensonge, le susciter le doute, aller voir les autres, ça c'est très fréquent. Vous savez, elle raconte sa version, mais aux bonnes personnes, vous voyez pour casser quand le mec il arrive derrière pour aider, il est déjà même pas cru parce que la femme a déjà fait le travail en amont, vous voyez, de sape pour ruiner la réputation de la personne en question. Je veux dire, les portes sont fermées avant même qu'il se présente. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, hein. Même si les femmes ont une tendance naturelle à cette violence psychologique. Mais, je veux dire, il y a des femmes qui le maîtrisent, je veux dire, qui se livrent pas à ça systématiquement. Mais ça existe, et c'est plus fréquent qu'on ne croit. Et il y a beaucoup de cynisme aussi. Et ce que je voudrais dire, bref, pour résumer, quoi, d'un mot, c'est qu'il faut pas sous-estimer la capacité de violence psychologique des femmes. C'est pas parce qu'elles n'ont pas la force physique, avec la brutalité que ça peut avoir immédiatement, qu'elles ne sont pas capables d'une très grande violence et d'une très grande cruauté. Certaines femmes sont capables d'une très grande cruauté. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer. Et malheureusement, avec le discours féministe, là où on enjolive tout, voilà, les femmes sont des êtres angéliques, voilà, elles sont systématiquement des victimes. Non, là, c'est donner le bon Dieu sans confession à des personnes qui ne devraient jamais bénéficier d'une telle bienveillance a priori. Non, faut pas être naïf, quoi. C'est regrettable pour les nanas qui sont vraiment abusées, pour de vrai, qui tombent vraiment sur des connards et qui se font amalgamer avec les opportunistes dont on vient de parler, quoi. Ça, c'est vraiment déplorable, quoi. Mais oui, je reviens sur l'histoire de divorce. La nana, elle a envie d'assurer le coup, d'avoir vraiment la garde des enfants. Elle veut une bonne pension alimentaire et le système est avec elle. Bah, pourquoi est-ce qu'elle se priverait, quoi? Et puis, quand elle obtiendra la garde des gosses, d'accord? Donc le mec, il va voir son gamin 2 jours tous les 15 jours, ok? Donc pour l'éducation, bon, c'est pas forcément le top, hein. Et forcément, les enfants, ils vont être élevés dans la haine du père, parce que ils vont avoir qu'un discours. Ça va être la nana, vous rendez compte, votre père, il m'a abandonné, il m'a battu, il m'a je sais pas quoi. Et puis 90% du discours, ça va être ça. Et puis ils vont se dire, mais pourquoi est-ce que je vais quand même être obligé d'aller chez ce connard 2 jours tous les 15 jours, alors qu'en fait c'est un sale type, quoi. Et ça peut détruire des familles complètement, des esprits jeunes, surtout, voilà, si on parle de gamins, c'est des esprits qui sont manipulables, par définition. Wittmann, tu voulais rebondir un peu sur ce que disait Pierrot? Oui, ce que dit Pierrot, en gros, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Là, on parle d'un cas médiatique, mais ça peut être n'importe où, par exemple dans le milieu professionnel. Si on veut vous pousser à la porte... On peut vous accuser de cette manière, surtout si vous travaillez avec des femmes, si vous vous retrouvez seul avec une femme, il n'y a rien pour vérifier. Donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui. D'ailleurs, tous les hommes politiques vraiment rompus à l'exercice aux États-Unis, notamment, il y avait un mec qui est connu pour ça, c'est Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis, le numéro 2 de l'administration sous Trump. C'est quelqu'un qui, dans tous les événements à caractère un peu mondain où il était convié, même avant d'être vice-président, c'est quelqu'un qui se rendait systématiquement avec sa femme. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il était invité quelque part, il y allait avec sa femme et il n'y consommait jamais d'alcool. Donc, jamais d'alcool lors de tels événements et jamais seul. C'est pas parce que... Alors évidemment, ça peut être aussi en raison aussi d'une éducation très chrétienne, parce que c'est quelqu'un qui est un protestant assez pratiquant, mais c'est aussi une mesure de défense. Parce que des pièges comme ça, c'est bateau, mais ça marche. Donc il y avait ce premier truc-là. Deuxième truc, jamais, jamais une femme seule dans son bureau. Il recevait jamais de femme seule dans son bureau. Les portes étaient toujours grandes ouvertes, et il y avait toujours un collaborateur qui était là pour regarder ce qui se passait dans le bureau. La fille ne pouvait pas dire, voilà, la porte est restée fermée. Impossible. Donc ça, c'est des choses qui sont, des stratégies auxquelles ils sont rompus, parce qu'ils connaissent très très bien les manipulations dont ils peuvent être les victimes, souvent dont les femmes d'ailleurs sont simplement un pion. CF Bill Clinton, rappelez-vous de Bill Clinton qui s'est fait avoir comme un idiot par Monica Lewinsky, hein, mais Lewinsky n'était juste qu'un pion dans une stratégie pour contenir Bill Clinton. Pour extorquer de lui toute une série de choses. Je précise que Monica Lewinsky était une juive. Hein, c'est bon. Et donc, on voit en France apparaître progressivement des consignes dans les grandes entreprises, très très grandes entreprises plutôt, là où il y a vraiment beaucoup d'argent, où là, les cadres supérieurs des boîtes, on dit, voilà les gars, vous évitez de prendre les ascenseurs avec des femmes. On n'est pas à l'ascenseur avec une femme seule. Voilà. Si vous voyez une femme qui arrive, le truc s'ouvre, bon, vous êtes un peu galant, vous laissez la fille passer avant vous et vous reprenez l'ascenseur un peu après. Quoi. Voilà. Mais vous n'êtes pas seul avec... voilà. Toute une série de choses comme ça. Et du coup, on crée une distanciation comme ça avec les femmes. Donc il y a cette espèce d'ambiance de guerre froide qui s'installe sous l'effet du féminisme hystérique et des manipulations qu'il permet. Voilà. Donc, moi, je vous avouerai qu'aujourd'hui, vu la facilité avec lesquelles il y a des accusations d'agression, j'adopterais le même type de comportement. Je fuirais tout ce genre de situation où même malgré soi, on peut se retrouver comme ça, simplement l'espace d'une heure, voilà, dans une pièce ou une résidence avec une. Vous pouvez vraiment vous faire accuser de tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je pense que ça va s'installer progressivement. Cette espèce d'ambiance-là. Quelqu'un d'autre sur tout ça? Oui, on peut arriver peut-être à des abordages. L'ambiance est déjà... Vas-y, Diabolix, vas-y, j'ai assez parlé. Ce genre d'ambiance est déjà développé dans toutes les multinationales qui se trouvent en Europe. Hein. Ouais, ça ne me surprend pas du tout. Mais progressivement, ça se diffuse. C'est-à-dire qu'au départ, c'est les grandes boîtes, et puis en plus, ça descend, et puis après, t'as un climat comme ça de paranoïa, en fait, quoi. De paranoïa. Et les hommes deviennent paranoïaques. Parce que les hommes ont peur d'être accusés à tort d'agression sexuelle. Et d'être lynchés. Parce que c'est comme ça que ça se... Parce que maintenant, franchement, hein, rappelez-vous, moi je me rappelle, bon, c'était, je veux dire, même James Bond mettait des mains au cul des femmes dans les films. Bon, c'est pas méchant une main au cul, c'est lourdingue, je suis d'accord, moi je le ferai jamais, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, c'est lourdingue, quoi. Après, ça dépend qui le fait, si c'est un beau mec à la classe, bien sapé... Bon, je pense qu'il y aura plus d'une fille qui se sentirait flattée, vous voyez. Bon, c'est un peu rustre, mais ça fait partie. Mais aujourd'hui, vous faites ça, non, c'est une agression sexuelle, point barre. C'est une agression sexuelle, vous êtes traîné au commissariat, point barre. Voilà. Il y avait eu, il y a 2-3 ans, comme ça, un projet de loi. Ah, ils font ça régulièrement, ils proposent comme ça des projets de loi complètement débiles et extrémistes. Mais ça donne le ton, quand même. Ils voulaient pénaliser les regards insistants. Ah ouais, c'est ça, 90 euros d'amende. Ouais. Ouais, regard appuyé. Donc là, quoi, ça va aller jusqu'au jour où vous devrez baisser les yeux dans la rue comme une espèce de, je sais pas, de sous-homme ou de sous-citoyen, parce que faut pas incommoder madame, quoi. Alors tout ça dans une société où t'as des maghrébins qui interpellent les blanches tous les jours dans les rues en les traitant de sales putes parce qu'elles n'ont pas donné leur numéro de téléphone. Enfin, c'est ça aussi qui est fou, quoi. C'est-à-dire que les hommes blancs subissent la terreur institutionnelle, hein, le soupçon généralisé, pendant que les bicots et les nègres font absolument n'importe quoi au quotidien, sans se faire taper sur les doigts. D'ailleurs, il en est où le projet de Marlène Schiappa de cartographier les agressions sexuelles? Il devait y avoir un site internet avec la géolocalisation des agressions sexuelles. Moi, je la veux, cette carte-là, en temps réel. J'aimerais la connaître. Elle est où? Bah, c'est la carte de la drépanocytose, hein, c'est la même. Madame, je la veux. Il est où ce beau projet? Pour une fois que Marlène Schiappa avait une riche idée. Bon, j'ai l'impression qu'il a été remis au carton. Est-ce qu'on lui aura expliqué que peut-être cette carte pourrait être utilisée à des fins pas nécessairement très inclusive. Je ne sais pas, mais je le regrette, je le regrette. Alors c'est marrant tout de même de voir que le législateur a cru bon pénaliser les hommes dans tout un tas de situations, comme par exemple ceux qui utilisent leur position pour avoir des faveurs sexuelles, mais que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser une femme qui use de ses charmes pour obtenir des avantages. Ça, c'est pas un délit. Ouais. Mais on vous explique qu'on est quand même dans un système patriarcal. Voyez le bug? En Suède, il faut qu'il y ait un consentement explicite du partenaire avant l'acte, même entre époux, d'accord? Donc, c'est pas forcément un papier à signer, mais faut qu'il y ait des mots, d'accord? Chérie, t'es sûr, on peut y aller? Oui, on peut y aller, voilà. Alors, On ouais, y vient. mais alors ça pas c'est pas passé au Parlement, mais il y a quelques mois, ils voulaient un papier. Il y a déjà des papiers pour sortir de chez soi maintenant, hein, donc. Non, mais ouais, non, mais il y avait les extrémistes écolo-communistes du Parlement, donc c'est des femmes, hein, donc les folles écolo-communistes du Parlement suédois avaient proposé un projet de loi dans lequel, dans le cadre du mariage, on fait un contrat avant d'avoir une relation sexuelle avec son conjoint. T'es au bord de la Non, table. chérie, pas ce soir, l'imprimante marche plus. Voilà. Ça va être la grande classe parce que tu vas te retrouver comme les joueurs de football célèbres avec les prostituées. Tu vas devoir prendre une vidéo de toi et de ta femme où ta femme dit qu'elle est consentante, tu vois. Ouais, mais même on va arriver à un stade, tu vois, tu vas devoir carrément filmer ta piole au cas où tu as une descente de flic pour dire non, non, mais c'était consentant, regardez les bandes, tu vois. Je veux dire, c'est Et alors, pour ceux qui croient que une fois qu'ils auront signé le papier, ils sont tranquilles, non, parce que les féministes en bonne radicale vous l'expliquent. Même si la femme a consenti, au milieu de l'acte, elle a encore droit de changer d'avis. Donc c'est un contrat qui n'engage même pas, si vous voulez. Je viens. Non, c'est bon, sort. Je change d'avis. T'as le Mais sketch, elles quoi. sont très sérieuses, hein. C'est pas une blague. Et puis d'ailleurs, le papier, ils l'auront signé peut-être sous la contrainte. On ne sait pas. À l'asile, à l'asile. Ouais, c'est-à-dire c'est un contrat, mais il n'y a que la partie masculine qui est tenue de l'honorer, tu vois. Exactement, c'est un contrat léonin. Il n'y a qu'une seule des deux parties qui est réellement contrainte par le contrat. Ouais, il faut vraiment se mesurer la radicalité du paradigme féministe et jusqu'où elle veut aller. S'il n'y a pas de résistance, il y a quand même une forme de résistance, il y a quand même des traditions qui sont différentes. Mais en Suède, ça va très très loin. Alors bon, même en Suède, ils n'ont pas réussi à instaurer le papier. Cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci, quoi. Mais ils vont peut-être dire, non, vous avez peut-être raison, le papier, c'est pas génial. Pourquoi on ne ferait pas une application plutôt? Vous voyez, l'application, c'est peut-être mieux. Avec le truc, application Covid, ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Donc, tu vois, le gouvernement, il saura même quand tu auras une relation sexuelle avec ta femme. Je veux dire, non, mais hey, on en rigole, mais moi, j'ai l'impression que c'est presque inévitable à ce stade. C'est presque inévitable. On atteint des niveaux de volonté de contrôle des populations, y compris dans leur vie personnelle. C'est pas uniquement la surveillance. La surveillance, j'ai envie de dire, c'était l'époque à papa. Non, eux, ils veulent carrément que le gouvernement valide votre décision pour tout. Voilà, ce que vous devez manger, comment vous vous déplacez, et au bout d'un moment, et ça c'est leur rêve aussi, c'est de vous donner l'autorisation ou pas d'avoir des enfants. Ça c'est un projet qu'ils ont. Hein. C'est-à-dire, voilà, non, t'as pas des enfants quand t'as envie. Non, non. Faudra une autorisation. Voilà. On pourrait Michael appeler, Wittmann propose le nom de l'application Tous Anti-Viol. Préparez-vous QR code. Hein. Non, mais voilà, moi je vous dis que si c'est. Attendez. En Espagne, ils annoncent l'interdiction des véhicules personnels. Le gouvernement annonce l'interdiction des véhicules personnels et des maisons personnelles. Est-ce que vous croyez que ça. Quand vous allez aussi loin, est-ce que vous croyez que ces gens-là vont reculer devant une application pour permettre aux femmes qui auront eu le cerveau lavé par la propagande féministe de disposer d'une application donc pour dire mais non mais en fait non et voilà il est tel moment telle heure tu vois ben voilà c'est la gestion par la peur vous pouvez comme ça si vous voulez faut que vous soyez jamais sûr de vous. Il y a aussi un concept qui est énorme, alors ça c'est un outil formidable parce qu'avec ça on va pouvoir faire condamner tout le monde, c'est la notion d'emprise psychologique. Alors, est-ce que tu peux détailler ça? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Écoutez, moi je suis pas expert en droit, je ne sais pas comment c'est exactement formulé, mais l'idée c'est qu'une personne peut être consentante, mais en fait elle ne l'est pas, parce qu'elle était sous emprise psychologique. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Donc là, évidemment, c'est la porte ouverte à condamner tout le monde. Hein, parce que, je veux dire, n'importe quelle nana qui est un petit peu amoureuse de son mec, à une époque et qui après a décidé de l'assassiner, peut dire qu'au moment où elle était amoureuse, elle était sous emprise psychologique. Eh ben, j'ai vu une proposition comme ça. Alors ça, c'est des propositions, donc c'est pas des projets de loi dans aucun pays occidental. Mais ces groupes sont très remuants. Et vous savez qu'il faut regarder les franges les plus radicales pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans 5, 10 ou 15 ans. Et alors, ce que j'ai vu dans le registre dont tu parles, c'est qu'ils voulaient intégrer la séduction comme une emprise psychologique. C'est-à-dire, en fait, quand un homme essaye de plaire à une femme, en lui parlant, etc., que ça tombait dans la catégorie dont tu viens de parler. Alors, je sais pas, ça va peut-être être comme les Khmer Rouges. Je sais pas si vous connaissez le système Khmer Rouge. Le Khmer Rouge, en fait, c'était l'État parti qui décidait, en fait, quand d'abord avec quelle femme tu te mariais et tu ne vivais pas avec. Et l'État disait, là, aujourd'hui, vous aurez une relation sexuelle, voilà. Et ensuite, ils se séparaient à nouveau. D'accord? C'était carrément géré au niveau de l'État parti. Si vous suivez ce que disent ces gens-là, vous pouvez pas avoir une relation normale avec une femme, hein. Par la séduction, des trucs, parce que justement ça tombe sous le cas que tu décris. Et donc, ça serait. Ces éléments radicaux-là voudraient le prohiber. Alors évidemment, ce sont des minorités très radicales, mais je me méfie des minorités très radicales. Ça va être formidable, on va se retrouver dans une situation où en fait, tu auras des nanas qui se baladeront dans la rue à moitié à poil en porte-jartel. Que tu n'auras pas le droit de regarder parce que tu risques de prendre une amende. Si tu as réussi à l'aborder, à la draguer quand même, tu risques encore une condamnation parce que la drague, c'est de l'emprise psychologique. Si tu finis par conclure, chaque fois que tu baises, tu risques une menace, une accusation de viol, si tu ne signes pas ton contrat. Et même comme ça, même si tu fais tout bien, de toute façon, le jour où elle te quitte, 10 ans après, elle peut encore te dénoncer pour emprise psychologique parce que finalement, elle a changé d'avis. Donc, tu vas vivre comme ça avec une épée de Damoclès permanente. Je pense qu'il va y avoir des vocations monastiques qui vont se démultiplier. Tout à fait. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ou on passe à la rubrique suivante? Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était intéressant. Alors, dernière rubrique avant de faire une pause. Alors là, c'est rubrique conservatisme. Un peu de nouvelles de la droite française. Ça m'a beaucoup plu. Ça fait le lien, d'ailleurs, avec la rubrique précédente. Alors, Wauquiez dénonce une expédition punitive contre une étudiante qui sort avec un non-musulman à Lyon. Et donc, il a des solutions à apporter à ce problème-là. Donc, une expédition punitive menée mercredi 2 juin dans un lycée de Lyon contre une étudiante tombée amoureuse d'un non-musulman a provoqué la réaction de Laurent Wauquiez, président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la campagne électorale, est centrée sur la sécurité. Le fait qu'une élève musulmane du lycée Lamartinière Diderot de Lyon sorte avec un lycéen non musulman semble avoir été vu d'un mauvais œil. Plusieurs individus ont tenté de pénétrer dans le lycée mercredi 2 juin pour mener une expédition punitive, relate Actu Lyon. Ils ont été repoussés par les agents de sécurité. La situation a été qualifiée d'insupportable par le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, dont la campagne des régionales est axée sur la sécurité. Ce candidat, Les Républicains, a dénoncé une pression forte exercée par une bande de voyous islamistes, indiquant à quel point il fallait sécuriser et protéger nos lycées pour que ce soit des sanctuaires. M. Wauquiez a fait savoir que la région avait décidé d'assurer la sécurité de l'établissement avec des vigiles qui seraient présents jusqu'à la fin de l'année scolaire pour que cet élève puisse finir sa scolarité normalement, correctement. Ce qui se passe là est extrêmement grave. On a affaire à des manœuvres d'intimidation qui sont portées par des groupuscules animés par la volonté d'imposer leur clé de lecture islamiste à notre société. Il est absolument déterminant que ce ne soit pas ces gens-là qui l'emportent, a-t-il martelé. C'est la France, c'est notre pays, ce sont les valeurs de la République et c'est la méritocratie républicaine qui doit gagner. Alors, les beurettes doivent pouvoir se faire sauter dans les chiottes des lycées par des couffards. Il en va de la méritocratie républicaine. Voilà. Sinon, ce sera l'échec de la France et de ses valeurs. Alors moi, je veux votre avis là-dessus. Vous êtes aussi pour enlever les voiles des beurettes et les mettre à disposition de qui voudra, je sais pas. Oui, c'est un peu le syndrome Najat Vallaud-Belkacem, quoi. Ah ouais, il y a elle aussi. Ouais, ça nous permet comme ça de bien travailler la promotion canapé. Hein, je crois que c'est une option, plus qu'une option dans les cours de lycée. Hein, je pense que ça va être vraiment très important puisque tout le monde a son bac sous Jean-Michel Blanquer. L'homme là encore de droite dure, rigoriste au possible, qui donnera son bac à 99% des bacheliers. Voilà. Donc là, ça bosse dur dans les lycées. Hein, Il faut quand même, moi j'ai envie de m'arrêter sur une dimension qui est peut-être un peu, sur laquelle on passe un peu vite. C'est-à-dire que si vous libérez sexuellement les femmes maghrébines, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Je ne parle pas des maghrébines qui pratiquent la religion islamique et qui adoptent le code vestimentaire islamique traditionnel, avec un voile notamment. Je parle vraiment des maghrébines qui s'occidentalisent, qui se libèrent, entre guillemets. Ce qui se passe, c'est que ces femmes-là vont très vite comprendre que si elles se mettent à la colle avec un blédard, ou même avec un... Parce que souvent, c'est des mariages entre cousins quand elles restent dans la communauté. Elles ne pourront pas faire ce qu'elles veulent. Elles ne pourront pas conduire de voiture, elles ne pourront pas sortir quand elles voudront, elles ne pourront pas s'habiller comme elles voudront, etc. Donc elles vont très vite comprendre qu'en se mettant à la colle avec des nègres pour faire des kirikous, c'est elles qui portent le slip dans le couple. C'est-à-dire que le nègre, la maghrébine lui dit « tu t'assis là », le nègre il s'assit, tu vois, c'est un tekel. Et de la même façon avec des blancs qui sont qui a un mode de fonctionnement différent, et là la beurette peut faire un peu ce qu'elle veut. Le problème de ça, c'est que vous créez tendanciellement une réduction du pool de femmes maghrébines disponibles pour les hommes maghrébins. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hémorragie. Ce qui génère énormément de frustration, fatalement. C'est-à-dire que si les beurettes vont vers soit des blancs, soit des noirs, il y a des mecs qui restent un peu sur le carreau, quand même. D'accord ? Donc là, la frustration, elle monte. Elle monte. C'est exactement ce qu'ont vécu les blancs. Hein. Oui, avec les blanches. Oui. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et comment dire, s'il y a cette hémorragie, et en plus on sait que les femmes maghrébines réussissent mieux à l'école, vous le savez ça. Elles réussissent mieux que les frères. Et donc, on sait qu'elles vont avoir accès à des postes, à des jobs et tout, qui vont les mettre en relation avec d'autres mecs, qui seront pas de leur communauté. Et là, ça va favoriser évidemment des mariages par affinité sociale et affinité de revenus. Je dis pas que ça se passe systématiquement comme ça, mais je veux dire que ça favorise. Donc, dans la famille, vous avez la beurette. Alors, j'ai pas dit qu'il a réussi une carrière extraordinaire, mais qui a réussi mieux que les frères. Les frères sont encore dans la barre, en train de zoner au pied du truc à 35 ans en jogging, alors que la sœur, elle a réussi à avoir un job, elle est plus indépendante, elle mène sa vie, etc. Bon, vous imaginez bien que les tensions dans la famille sont extrêmement fortes, vous voyez. Et ça, mécaniquement, ça crée des vocations en faveur de l'État islamique, vous le savez. Cette frustration sexuelle, ce sentiment d'échec quand on est comparé à sa sœur qui a réussi, ça vous donne, sur des dealers de shit salafisés en tôle, mais alors ça vous donne un effet, mais démultiplicateur, dans la radicalité. Ah, mais il n'y a pas que ça dans la frustration. Il y a aussi le fait, pour le maghrébin, de ne pas pouvoir supporter de voir sa sœur faire le manège à bite. Ah oui. De ne pas supporter que votre sœur vous ramène, non pas tous les dimanches, mais tous les vendredis, un nouveau copain qui, cette fois-ci, si, je vous l'assure, celui-là, c'est le bon. Parce que ça, c'est insupportable. Le défilé des mecs dans les familles qui deviennent des matriarcats où la gonzesse vous ramène son petit copain du moment. Déjà, le petit blanc, ça l'a bien gonflé. Mais le maghrébin, avec le self-control qu'on lui connaît, il va pas supporter. Hein. Bah, il supporte pas puisqu'il fait des descentes dans les lycées. C'est clair. Mais ouais. Mais Donc là, il y a deux choses, les relations raciales et l'exposition à l'occidentalisation de la communauté islamique maghrébine, je précise. Voilà, c'est tout à fait marquant. Voilà, donc là, on a un riche potentiel d'explosion. Hein. Ok, on peut pas répondre, parce que là, il y a une contradiction dans le système. Hein, je veux dire, si vous cherchez à libérer les femmes par tous les moyens, comme c'est le cas en France aujourd'hui, vous allez tendanciellement créer de la frustration sexuelle dans la communauté maghrébine du côté des hommes, et donc des surréactions extrêmement violentes. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc, moi, je vous dis, hein, on va avoir des excès de violence, fatalement. Donc, quand on découvre, ouais, c'est bizarre, j'ai vu ça encore. Ouais, tiens, rappelez-vous l'histoire, là, il y a trois semaines, là. Je ne sais plus si c'était un maghrébin ou un turc, je ne sais plus. Le mec, il a sorti sa femme, il l'a cramée dans la rue. Vous vous rappelez de cette histoire? Il l'a brûlée, ouais. Vive. Bon, bah, c'est, il l'a tirée dans la jambe pendant qu'elle brûlait, d'ailleurs. Bah, eh ben, le... Raka. Comment dire, le truc, elle portait le voile, si vous avez fait gaffe. Dans les médias, on l'a présenté avec un voile islamique. Quand on lisait le fond de l'affaire, c'est que la nana, elle était en train de fricoter avec d'autres mecs. Elle voulait divorcer, se barrer avec le type. Ouais. Voilà. Et la façon de gérer les gonzesses qui trompent leur mec dans la culture islamique, c'est pas la même façon qu'en Europe. C'est pas tout à fait pareil. Alors là, lui, il a été radical, il l'a cramé vive. En fait, il y a des méthodes non létales qui sont très fréquentes. C'est le vitriolage. C'est le vitriolage. Et je suis surpris d'ailleurs, moi, je suis étonné, quand je compare avec la Grande-Bretagne, du faible nombre de cas de vitriolage encore aujourd'hui en France. Au Royaume-Uni, c'est très fréquent. Hein. Dès qu'il y a une embrouille dans un couple de Pakistanais, la gonzesse, elle va se faire vitrioler la gueule. Et je suis étonné que ça ne soit pas le cas encore aujourd'hui, à grande échelle en France. Je suis très très étonné. En plus, ouais, il faut ajouter... Il faut rajouter une petite chose, mais ces gens-là, les maghrébins, les musulmans, quand il s'agit comme ça de crimes d'honneur, c'est pas comme nous qui sommes terrorisés face à la justice et l'idée d'aller en prison. Déjà, bon, la prison, la plupart du temps, il y en a la moitié qui sont déjà allés, mais ils acceptent parfaitement, même dans leur pays, l'idée que si pour venger l'honneur, il faut tuer quelqu'un et passer 15 ans en prison, ils acceptent l'idée de le faire. Sachant qu'ils auront de toute façon le soutien de leur famille et de leur communauté. Donc ils ne seront pas seuls. Hein. C'est une mentalité différente. C'est-à-dire que le passage à l'acte, il est très rapide. Hein. Ouais, tu veux dire, voilà, la justice occidentale n'est pas du tout dissuasive compte tenu de la culture de ces gens-là. Quoi. Non, les peines de prison ne sont pas dissuasives. les mecs acceptent dans leur tête, si c'est pour des causes de vengeance ou d'honneur, de perdre 10 ou 15 ans de leur vie dans une tôle. Ça se voit tous les jours au Maghreb. Hein. Tous les jours, il y a des mecs qui décident d'aller buter tel mec qui les a déshonorés. Et ils vont même se rendre à la police après. Quoi. Ils s'en foutent. Ouais. Ouais. Après, faut aussi reconnaître qu'il y a eu un relâchement dans ces sociétés maghrébines qui sont en Occident. Ils sont occidentalisés et du coup, bah, en fait, ça devient un peu la foire. Et donc, vous connaissez la psychologie des gonzesses. Hein. D'ailleurs, peu importe leurs origines, s'il n'y a pas de limite, elles font n'importe quoi. Ça, c'est systématique, c'est universel comme concept. Donc, moi, je ne suis pas mathématicien, vous savez. Je ne suis pas statisticien. Mais je pense qu'il y a un lien direct entre la putisation des beurettes et la baisse du nombre de claques dans la gueule que les darons maghrébins ont oublié de mettre à leurs filles. Je pense qu'il y a un lien. Ça me paraît évident. Effectivement, parce que la génération précédente des darons a quand même été beaucoup plus ouverte. Mais vous inquiétez pas, c'est en train de se corriger. Oui, bah oui, on voit que je pense qu'il y a un phénomène de régulation assez violente là. Je crois. Quand tu vois les études d'opinion, on en a parlé dans les émissions précédentes, c'était il y a quelques mois, de l'IFOP sur les positions par rapport à la religion que développent les musulmans, où tu as des jeunes hein, de 15-17 ans, où ils sont à 80, 85, 90% sur des positions ultra, ultra dures, ultra orthodoxes, tu sais que ces générations-là... vont tomber sur les beurettes, mais à bras raccourcis, ça va être saignant, quoi. Et il y a un truc, il y a un phénomène, peut-être qu'on peut en parler brièvement, le phénomène des beurettes à Rel. Où vraiment, elles vont... Parce que non seulement elles courent derrière les mecs, mais elles courent derrière les noirs. Alors là, pour l'homme musulman, c'est effrayant, je veux dire. L'homme musulman arabe, ou arabo-maghrébin. Je veux dire, pour son ego, c'est ce qui se fait de pire, quoi. C'est pareil d'ailleurs pour les blanches, hein, je veux dire. C'est pire même pour les blanches. Parce que la chute dans l'échelle raciale est encore plus impressionnante. Mais pour des maghrébins, qui sont des gens qui sont prêts à monter très très vite dans les tours, pour un regard, même quand tu le regardes même pas, le mec il commence à t'embrouiller parce qu'il dit que tu l'as regardé. Ouais, quand les types ont une image d'eux, ils sont tellement insecure au niveau de leur image d'eux-mêmes, tu vois, de leur ego. Les types sont prêts à embrayer sur n'importe quoi. Mais alors, quand ils voient des nègres bourriquer leur sœur, moi, je me demande comment ça se fait, si vous voulez, qu'il n'y a pas 40 ou 50 000 militants de l'État islamique en France. Moi, je me pose des questions. Hein. Je veux dire... Ouais, mais Bilal, il était noir. Je sais pas, quoi. Ah, ils ont un problème avec ça. Ça, c'est marrant aussi. C'est comment Parce que la religion, ça fout le bordel dans la tête des Arabes. Ça, c'est le problème qu'ils ont. C'est que c'est quand même leur surmoi. L'islam est quand même leur surmoi. Et ils n'arrivent pas à avoir de distance critique par rapport à ça. Et les beurettes l'ont parfaitement compris. Donc, elles leur sortent le joker Bilal. Et là, les mecs, ils peuvent ramer, quoi. Il n'y a rien à faire. Ouais, j'ai le droit de me faire... J'ai le droit d'aller me faire sauter par des nègres. Bilal. Voilà, et là les maghrébins ils sont là. Alors que nous, Balthazar, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, après, évidemment, dans l'islam aussi, il y a tout un discours sur la différenciation raciale, la nécessité de préserver l'intégrité de sa communauté parce qu'Allah a voulu les communautés différentes, etc. Bon, voilà, hein, il y a toujours aussi des. Mais bon, pour ma part, hein, je n'ai rien contre l'idée de voir les Algériens renouer avec leur passé esclavagiste, hein, leur passé barbaresque. Alors pas pour en réduire en esclavage les Blancs, non, mais les Nègres, je serais assez curieux de voir des tentatives, des expérimentations. Voilà, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais... Alors messieurs, je propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie Participative. Brought to life in the image of God. nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 21. Alors, on va commencer avec la rubrique Les sales juifs de la semaine. Et cette semaine, on va commencer avec Roman Polanski, hein, qui tient à nous dire à quel point il a beaucoup souffert. Les médias français ont relayé très généreusement, français entre guillemets, puisque je vais citer BFM TV, qui est une chaîne qui appartient au milliardaire israélien Patrick Drahi. Et donc là, ça pleure très longuement. Alors, le cinéaste Roman Polanski témoigne dans un nouveau documentaire sur la Shoah, évoquant son enfance dans le ghetto de Cracovie et la déportation de sa famille. Le réalisateur franco-polonais Roman Polanski revisite l'horreur durant son enfance pendant la Shoah dans un nouveau documentaire, comme c'est dit. Le film suit Roman Polanski dans cette ville où il a vécu enfant en compagnie de son ami toujours, le photographe Ryszard Horowitz, survivant de la Shoah, qu'il a rencontré dans le ghetto juif de Cracovie pendant la guerre. Le film Polanski Horowitz Hometown, qui a ouvert le festival, parle de la mémoire, de la confrontation avec le passé, de l'éphémère, du trauma, du destin, explique Mateusz Kudla, qui a réalisé et produit le film avec Anna Kokoska-Romer. À travers ces deux personnages qui ont eu de la chance, qui ont survécu, nous voulions aussi montrer la tragédie de tous ceux qui ont vécu dans le ghetto de Cracovie et n'en sont jamais sortis, explique-t-il à l'AFP. Le réalisateur du Pianiste se souvient avoir vu un officier allemand nazi tirer dans le dos d'une femme âgée et le sang giclait comme l'eau d'une fontaine. J'étais terrifié, j'ai couru jusqu'à la porte derrière moi et me suis caché derrière ces escaliers, raconte le cinéaste qui avait seulement 6 ans durant la Seconde Guerre mondiale, quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ça a été ma première rencontre avec l'horreur. Le film immortalise également la rencontre de Roman Polanski avec le petit-fils de Stefania et Jean ou Jan Burala, le couple de paysans polonais qui l'ont caché pendant près de 2 ans dans le village de Wysoka dans le sud du pays. Sorti clandestinement du ghetto par les soins de son père, le petit Roman était passé de famille en famille avant de se retrouver chez les Burala qui ont reçu à titre posthume en octobre 2020 la médaille des Justes parmi les nations décernées par Israël à ceux qui ont aidé à sauver des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le documentaire ne fait pas mention des accusations de viol contre Roman Polanski, persona non grata à Hollywood. Ce n'était pas l'objet du film et ce n'était pas non plus notre intention de défendre ou d'accuser qui que ce soit. Ce film est consacré à un tout autre chapitre de la vie de Roman Polanski, a déclaré à l'AFP Madame Kokoska-Romer. Mateusz Kudla demande lui aux spectateurs d'envisager la possibilité que peut-être dans ce cas, Polanski a fait ce qu'il fallait en témoignant sur la Shoah pour empêcher l'histoire de se répéter. Alors, carte Shoah, très clairement, hein, brandie par Roman Polanski, une nouvelle fois. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Je crois quand même que notre ami Roman redoute encore d'être pour le coup déporté pour de bon, mais cette fois-ci aux États-Unis pour répondre de ces frasques qui n'ont pas été jugées dans ce pays. Alors Pierrot, tu voulais revenir sur le cas de Roman Polanski. Tu voulais pas je sais pas de ce dont tu es venu parler, mais tu voulais revenir dessus. Pourquoi ? Parler cinéma, effectivement. Parlons cinéma. Alors d'accord. Cinéma, art en général. Bon, alors déjà. Un autre film sur la Shoah. Hein. C'est vrai que tiens, c'est super original. Ça manquait. Merci Polanski. Hein. C'est comme si on n'en avait pas déjà assez. Donc, Le Pianiste, La Vie est Belle, Amen, La Rafle, La Liste de Schindler. Je ne vais pas continuer la liste comme ça très longtemps, hein. Mais je pourrais. Hein. Et encore une fois, donc, Le Juif, éternelle victime. Victime donc, d'une haine irrationnelle. Hein. Les nazis tuaient comme ça. Je vais expliquer pourquoi. Et on fait des films alors qui techniquement tiennent la route, hein, je pense qu'il n'y a rien à redire, mais qui sont à l'image de la communauté. C'est-à-dire des films gras, vous connaissez l'expression « sortir les violons ». Ah là, pour le coup, on sort vraiment les violons. Hein, il y a vraiment des longs passages de violons avec des juifs qui sont massacrés, des nazis qui tirent dans tous les sens, encore une fois, sans aucune raison. Le Pianiste donc, de Polanski, il faut savoir que c'est toujours la même chose en fait. C'est tirées de faits réels, vous savez, c'est les petites annotations qu'on met, mais inspirées de faits réels, mais quand même, il y a une liberté artistique, etc. Donc, en fait, que font les Youpins? Bah, ils prennent un fait réel, la Seconde Guerre mondiale, puis après, ils tricotent. Ça tricote, et après, ça fait des histoires invraisemblables. On appelle Donc, pour le ça pianiste. une licence poétique. Ouais, bien sûr, sans aucune visée politique, hein, bien sûr, hein, surtout non, de la part de ces gens parfaitement intègres que sont les Juifs. Donc pour le pianiste, par exemple, il y a une histoire qui n'a pas été intégrée dans le film et qui avait été ressassée par Polanski, où en fait, ça racontait comment des nazis voulaient exterminer des familles juives qui retenaient contre leur gré dans un bâtiment. Donc il y avait bien sûr des femmes, des enfants, des vieillards, parce que les nazis sont des salauds. Et ils voulaient tuer une cinquantaine de juifs comme ça. Je sais pas, peut-être qu'ils se faisaient chier, parce que bien sûr, vous savez, dans l'armée allemande, on se fait chier, il n'y a pas de discipline. Hein. Les soldats allemands sont connus pour leur indiscipline et leur liberté d'action. Et donc, ce qu'ils ont fait, donc selon les termes pris par Polanski, c'est qu'ils ont saisi un soldat allemand saisissait les pieds de la victime juive. L'autre soldat allemand se plaçait en face et saisissait les poignets. Il balançait la victime de gauche à droite à côté d'un mur. Et après, ils éjectaient comme ça le juif pour que la cervelle éclate contre le mur. Ils ont fait ça pour une cinquantaine de juifs, apparemment. Histoire à dormir beaucoup, dormir debout. Enfin, c'est n'importe quoi. Si on reprend la liste de Schindler, encore une fois, moi, techniquement parlant, on peut rien reprocher au film. Par contre, c'est gras. C'est fait pour. Pleurer face à la caméra pour tirer les larmes du goy et lui faire les poches. Dans le cinéma, vous savez, ça porte un genre, ça porte un nom, ce genre comme ça, où en fait on en fait des tonnes. C'est vulgaire, ça sent l'huile, c'est quelque part un peu risible tellement que c'est grossier, mais en fait au départ ça n'a pas vocation à être risible. Ça s'appelle des nanars, mais vu qu'il y a le thème de la Shoah en fond, pour le coup ça devient subtil et puis le film. Il remporte des Oscars, attention, chef-d'œuvre Si tu mondial. fais un film sur l'Holocauste, d'emblée, on te met 5 sur 10. Voilà, Ah bah oui. t'as 5 sur 10 d'office. 5 sur 10, 7 sur 10, antisémite, Ah oui, bah, non, mais non, après, attends. je veux dire, tu sais que voilà, si tu ne descendras pas en dessous de la moyenne, tu auras la moyenne, toi, c'est comme au bac, tu vas avoir la moyenne. Mais après, sans grand effort, tu vas très très vite monter à 7 ou 8 étoiles, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, étoile, ouais, dans le sens, en Oui, termes étoile. d'étoile. Alors toi, tu dis donc dans un film de Roman Polanski, il y avait une scène qui était censée montrer Non, des... c'est une scène qu'il voulait absolument intégrer dans ce film qui n'a pas été mise. En fait, il le raconte dans ses correspondances avec d'autres Youpins. Et scène un peu douteuse parce qu'en fait, il n'avait jamais parlé de cette scène auparavant. Et il s'était un peu mélangé. Au départ, il avait dit, j'ai lu cette histoire-là quelque part. Et à la fin, il s'était intégré dans le récit en disant, J'ai j'ai vu. peut-être vu. Voilà. Ah, D'ailleurs, j'ai cette peut-être. histoire qu'il raconte dans l'article, la nana, la vieille dame qui est fusillée, etc. C'est vrai d'être récent, il n'en avait jamais parlé auparavant, sauf si je me plante, mais je ne pense pas me planter. Donc il se souvient comme ça d'événements traumatisants, mais il se souvient comme ça 40 ans après. Bon. Alors, ça fait bien sûr partie d'une propagande de la juiverie qui utilise fort bien le cinéma parce que ça marque les esprits. Si les juifs, du coup, ils sont absolument victimes, innocents, ils sont au-dessus de tout soupçon et les nazis sont des salauds, mais quelque part, vous aussi qui m'écoutez, vous êtes des salauds parce que si vous êtes des hommes blancs, vous êtes un peu des salauds, vous êtes complices, hein. C'est ce qu'avait dit un peu le fils Klarsfeld. Hein. Voilà. En fait, on est tous complices, tout le monde est complice, les juifs. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, en fait, ces histoires artistiques de propagande juive. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on parlait bien sûr des chambres à gaz magiques. Hein. Ça a été le combat révisionniste a commencé très tôt, notamment avec l'histoire des aveux de Rudolf Höss, donc qui était le commandant du camp d'Auschwitz, qui a été brutalisé, frappé, insulté, privé de nourriture, privé de sommeil pendant 3 jours, torturé de toutes les manières, et qui a pondu des aveux. Délirant. Alors, sur le coup, les Juifs étaient contents, ils avaient leurs aveux. Et maintenant, ils en parlent beaucoup moins de ces aveux parce que, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que ça tient pas debout. Donc, ils essayent un peu de. Ils en ont trop fait, en fait. Ah oui, Rudolf Höss, d'abord, il a été pris en main par les services britanniques, les services de renseignement britanniques, et des interrogateurs britanniques qui l'ont effectivement torturé longuement. Et ce qui a fait, ce qui a été décisif pour le faire craquer, c'est on l'a menacé de livrer sa famille aux Soviétiques, donc aux Bolcheviks. Ce qui voulait dire, en gros, on va livrer vos gosses et votre femme au commissaire politique juif si vous ne parlez pas. Alors là, la perspective de voir sa famille se faire ignoblement torturée, massacrée, etc., l'a fait céder. Et il a accepté, effectivement, de signer tout ce qu'on voulait qu'il signe, et notamment ses aveux absolument ahurissants aujourd'hui, puisqu'il avait reconnu avoir supervisé l'extermination par le gaz de 2,5 millions de juifs à Auschwitz. Alors qu'aujourd'hui, officiellement, 900 000 ont été reconnus comme gazés. Alors il y a un problème quand même. Directeur du camp, donc c'est lui le principal responsable, il est quand même savoir qui rentre, qui sort, il est censé connaître. Je veux dire, c'est pas qu'on dit il s'est trompé à 2 ou 3 000 près. Non, là c'est du simple à plus du double en 2 ans. Bon, c'est pas possible. Donc on lui a fait raconter n'importe quoi, effectivement. Le mec il est capturé par ses ennemis. Et la Seconde Guerre mondiale est perdue. Il y a toutes ces menaces et ces tortures qui sont autour de lui. Forcément, bon bah le type il raconte ce qu'on a envie qu'il raconte, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est un petit aparté intéressant. Si vous allez consulter la fiche Wikipédia de Rudolf Höss en anglais ou en français, vous tombez sur une description psychologique de Primo Levi. Voilà, donc Primo Levi. Mais voilà, qui est bien sûr complètement impartial, hein, qui n'a probablement, très probablement, jamais parlé à Rudolf Höss, mais qui fait une description psychologique. Alors, il était comme ça, en fait, il était sadique, et puis le matin, peut-être qu'il se grattait le cul avec l'index, on ne sait pas, enfin bref, c'est délirant. Bien sûr, hein, complètement, voilà, complètement objectif, on veut bien croire que Primo Levi, le juif italien Primo Levi, va dresser un portrait qui correspond à la réalité des faits. Par rapport à Roman Polanski, qu'est-ce qui te fait, pourquoi tu veux parler de fait que on a eu des dossiers montés complètement comme ça bidon sous la torture, qu'est-ce que... En fait, je voulais parler du début, de comment toute cette histoire a commencé. Ouais. Le cinéma, bien sûr, c'était une arme très puissante. Mais au départ, les Juifs, ils ont commencé à raconter ces bobards holocaustiques à travers deux ouvrages. Donc là, je vais citer pour le bouquin L'industrie de l'Holocauste du juif Norman Finkelstein, qui raconte comment tout ça a commencé un peu pour le grand public, hein, pas des histoires révisionnistes. Oui, alors Norman Finkelstein est un critique du discours officiel sur l'Holocauste. Il est d'origine juive, mais il est critique, c'est ça que tu veux dire, hein? Oui, il est critique, il est un peu pro-palestinien et puis accusé d'antisémitisme, forcément, parce qu'il supporte pas Israël, il supporte pas la manipulation juive, et il a fait c'est un universitaire américain, il fait des conférences là-dessus, il est assez calé dans le domaine. Et donc, je disais, pour le révisionnisme, ça c'est un peu confidentiel, en fait, le révisionnisme. C'est surtout un débat d'universitaires, d'intellectuels. Maintenant, avec Internet, ça a un peu changé, mais pendant très longtemps, ça a été le cas. Et quand les juifs ont voulu populariser leur histoire holocaustique pour le grand public, ils ont commencé avec des ouvrages, et notamment les deux premiers. Le premier, c'est L'oiseau bariolé, d'un juif polonais qui s'appelle Jerzy Kosinski, donc best-seller, traduit dans toutes les langues, le New York Times, il en fait des tonnes et des tonnes. Et donc le type, l'auteur, il raconte qu'il était errant dans la campagne polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il était livré à des tortures sadiques de la part de soldats et aussi de Polonais. Et puis en fait, Kosinski, il a jamais vécu tout ça. C'était un gros fake. Donc premier coup dans la tronche des Juifs, c'était une manipulation. Tout a été inventé. Il a même été recueilli par une famille polonaise qu'il avait caché. Donc une famille polonaise qui cache un Juif pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une famille aussi qui peut risquer un peu pour sa vie. Hein, donc il prenait des risques. Donc moralité de l'histoire, si vous aidez un Juif, il va quand même faire un bouquin pour vous cracher dessus. Ça c'est intéressant. Enfin, cacher un Juif fugitif. Fugitif, bien sûr, fugitif. Donc lui, il avait inventé toute une histoire là-dessus. Le New York Times avait dit non, mais en fait, tout ça est vrai, il est victime d'un complot. Puis 2 semaines après, en fait, ils avaient dit bon, ok, peut-être qu'il y a eu des bobards qui ont été racontés, mais ça ne change rien à l'âme pure de l'auteur et du livre qui reste. La démarche, voilà, l'intention était bonne, mais il y a peut-être un peu trop de licence poétique, justement. Qui reflète la magie de Loco. C'est dit comme ça. La magie de Loco. Donc en fait, tu veux dire que voilà, avant les films, il y avait des ouvrages. Grand public sur le thème de l'Holocauste. Les premiers qui sont sortis, c'est L'Oiseau bariolé. Ça, c'est un succès fulgurant, ça marche très très bien, les Juifs en font la promotion. Et puis patatras, c'est oui, en fait, non, c'est pas tout à fait comme ça, ces trucs. Ouais, mais au fond, c'est pas tellement grave parce que il met en forme des histoires qui par ailleurs ont existé chez d'autres, mais il a mis ça à la première personne. Alors voilà, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et puis alors, deuxième bouquin, c'est un peu la même fournée. J'espère que je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Donc là, c'était un auteur qui s'appelle Wilkorzinski, qui s'est présenté comme un juif d'origine suisse, qui a publié le bouquin Fragment, pareil, best-seller, traduit dans toutes les langues. Donc lui disait qu'il a vécu bien sûr l'horreur nazie, donc il raconte tout un tas de bobards, puisqu'en fait ce type avait tout inventé. Donc ça la fout quand même mal, hein. Les deux best-sellers, les deux grands bouquins sur lesquels les juifs ont placé tous leurs jetons sont en fait révélés comme des faux. D'ailleurs cet auteur, en fait, il n'était même pas juif, c'était pour dire un peu, ils n'avaient même pas vérifié ça, mais juste en fait ils avaient poussé à fond. Parce que quelque part, quand vous faites une fake news comme ça, le bouquin, il était vendu à mort. Et par contre, le démenti, là, ça ne va pas être le New York Times. Hein. Ça va être le document colonne cachée et puis on n'en parle plus. Quoi. Et Raoul Hilberg, hein, vous connaissez Raoul Hilberg, ouais. L'universitaire exterminationniste hein, qui a été démonté depuis. Donc lui, il fait des thèses. Alors attention, il a été démonté. Il a été démonté lors du procès au Canada en présence de... du professeur Forisson, le procès Zundel, et il est l'auteur du, comment dirais-je... La destruction des Juifs d'Europe, c'est voilà, son bouquin. Qu'on retrouve dans absolument... Enfin, c'est la Bible de l'histoire officielle de l'Holocauste, et vous le trouvez dans toutes les bibliothèques de faculté de France et de Navarre, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, donc c'est vraiment le livre de référence, et lors du procès Zundel, ce qu'on ne raconte jamais, Raoul Hilberg a capitulé. Il a avoué qu'on ne pouvait rien prouver, ce qui est quand même ahurissant, je veux dire. Le mec fait un bouquin épais comme ça, c'est présent dans toutes les universités occidentales, on te dit que ça, c'est la Bible de la Bible sur la question de l'Holocauste, c'est un mec confronté à des révisionnistes lors d'un procès dans les années 80 en présence de Forisson et de Zundel, c'est un mec qui dit « on peut rien prouver ». Acculé par les questions, les observations, parce que le procès a duré 3 mois, ça a été un procès de fond, il dit « on peut rien prouver ». Alors tu disais, Raoul Hilberg, qu'est-ce que tu voulais dire à propos de lui? Donc lui, il s'est quand même interrogé, donc c'est un juif, bien sûr, Hilberg, il s'est quand même interrogé par rapport à ces deux best-sellers qui ont été des gros fiascos. Il a dit, je cite, « Comment ce livre a-t-il pu être pris dans plusieurs maisons d'édition pour un recueil de souvenirs authentiques? Comment se peut-il qu'il ait été invité, monsieur Wilkorzinski, au United States Holocaust Memorial Museum et dans des universités de haut niveau? Comment se fait-il que nous n'ayons aucun contrôle de qualité sérieux dès qu'il est question d'évaluer avant publication des textes sur l'Holocauste ?» Donc effectivement, poser la question, c'est un peu y répondre. C'est évidemment pour des motifs politiques, puisque maintenant, en fait, depuis, on va dire depuis 67, la propagande shoatique a vraiment... C'était pas depuis la création de l'État d'Israël, c'est depuis 67. La propagande shoatique bat son plein. On peut même dire que plus le temps passe, plus c'est éloigné dans l'histoire, et ben en fait plus on nous rabâche les oreilles avec ces conneries-là. Et les Juifs ont trouvé à travers le cinéma un outil plus puissant, puisque on raconte quelque part une réalité, la Seconde Guerre mondiale, auquel on accroche des éléments de fiction, et c'est très difficile après de pouvoir déceler le vrai du faux. Et je vais ajouter un dernier élément, moi, qui particulièrement me tient à cœur, c'est dans tous ces films de propagande, comment il n'est jamais expliqué le début de l'histoire. À savoir, si jamais il y a eu des sadiques, si l'armée allemande était remplie de sadiques, hein, imaginons, pourquoi ? Comment ça a commencé ? Pourquoi se fait-il que les gens n'aiment pas les juifs ? Alors, toujours dans le même bouquin, Elie Wiesel, il explique ça, il dit, en fait, l'Holocauste, c'est une religion du mystère. Ça se situe hors de l'histoire et même au-delà. Ça défie toute connaissance et toute description. Ça ne peut être ni expliqué, ni visualisé. C'est une destruction de l'histoire et une mutation à l'échelle cosmique. Alors, on est au niveau de la mécanique quantique, là. Ah bah attends, mais en fait, ah, on apprend que les Allemands, c'était des chamans, en fait. Hein. Ah bah on est au-dessus même de la mécanique quantique, on est au-dessus. Ouais, d'où les phénomènes de télépathie. Hein. Ah bah... Incredible meeting of minds. C'est ce qui avait été dit, effectivement. Alors, comment se fait-il que les gens... Parce qu'en fait, Raoul Hilberg, justement, on va revenir un peu sur lui. Bah sur ce procès, c'est là où il avait dit ça. C'est là où il a fait cette déclaration. Il a dit, bon, bah alors, comment vous expliquez? Alors, si vous dites, on ne peut pas le prouver, qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Comment vous expliquez ça? Il a dit, bah, c'est une incroyable, donc on ne peut pas croire, là, c'est incroyable, rencontre des esprits, tu vois. Ah oui, les gens, ils n'avaient pas communiqué entre eux, mais ils se parlent par télépathie, c'est fou. Et son pavé, la destruction des Juifs d'Europe, donc la Bible de référence schématique, forcément, les gens qui veulent s'interroger un peu, ils peuvent regarder. Alors, les chambres à gaz, le cœur, l'arme du crime, qu'est-ce qu'il y a sur les chambres à gaz? Il y a une demi-page, pas de croquis, pas d'explication particulière technique, pas de bon de commande, pas d'ordre. En fait, il n'y a rien. Il y a juste une compilation de témoignages. Donc, les témoignages, hein, voilà quoi. Ceux qui ont connaissent un peu les enquêtes criminelles. C'est Forisson qui a exhumé le plan des chambres à gaz alléguées en se rendant à Auschwitz il y a une quarantaine d'années. Il avait fait un tour du camp avec un guide polonais et il l'avait piégé. Il remarque en fait que les fours... crématoires ont été reconstruits, il dit c'est bizarre, c'est neuf. Il dit c'est neuf, c'est bizarre, c'est étonnant. Alors le mec, le guide, se fait rouler et dit bah oui, on les a plus ou moins refaits. Ah bon, mais si vous les avez refaits, il y a des plans. Oui, oui, il y a des plans, etc. Et de fil en aiguille, comme ça, le polonais lui lâche les plans. Alors il dit ouais, je vais vous les montrer, etc. Alors il avait un peu remué, je sais plus comment il s'y était trop pris, et finalement les plans sont parvenus chez lui en France. Et c'est là qu'il y a eu les plans pour la première fois. Les plans originaux de ces fameuses chambres à gaz. Et il y avait marqué dessus Leichenkeller, dans l'espace où c'était censé être des chambres à gaz, c'est-à-dire qu'en fait c'était une morgue. Forcément, c'est un camp de prisonniers, il y a une morgue. Et il y avait ce qui était conçu pour quelques morts d'un camp qui contenait je ne sais pas combien de dizaines de milliers de prisonniers, surtout qu'il y avait parfois des problèmes d'épidémie. Donc il y avait une morgue et il y avait aussi, on incinérait bien évidemment les cadavres pour des raisons purement, on pourrait simplement les enterrer, mais on décide de les incinérer pour des raisons sanitaires, pour éviter que des maladies se transmettent. Et c'est Forisson qui a exhumé le fameux plan qui s'est avéré être un non-plan, puisque sur le plan, il n'y avait pas d'installation, il n'y avait pas les installations de chambre à gaz qu'on aurait dû trouver, voilà. Et ces plans n'ont jamais été réfutés, hein. On n'a jamais dit qu'ils étaient faux. Jamais. Ah, de fait, oui. Ah ouais. Il y a aussi une petite chose. Vas-y. Pardon, le mot gaskammer existait, donc chambre à gaz, mais Forisson estimait que c'était dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, notamment de typhus, que c'était des vêtements qui étaient gazés pour que les poux se disparaissent, qui sont les vecteurs du typhus. Donc Forisson disait, oui, on a bel et bien gazé à Auschwitz des poux. Oui. Mais même dans le film de la liste de Schindler, il y a des passages qui sont révisionnistes malgré eux. Rappelez-vous de cette scène où les la juifs... Douche. Les scènes de la douche. Les juifs rentrent, là, ils sont tétanisés, ils rentrent dans un bunker, etc. Ils regardent vers le haut et puis on fixe sur les douches. Parce que moi, quand j'étais encore gamin dans les années 80, on nous disait... C'est ce qu'on nous disait, hein. On nous disait, voilà... Le gaz venait par les douches. Moi, je me rappelle très bien, on avait des cours, on nous expliquait ça. Oui, par le pommeau. Par le pommeau de douche. Par le pommeau de douche. Voilà, c'était des douches fictives. Le gaz sortait comme par un tuyau d'échappement des pommeaux de douche. Et voilà, c'est comme ça qu'on gazait les juifs. Et c'était tellement courant que quand Spielberg a fait son film, il a repris cette thèse, mais il disait, non, mais des fois, il y avait vraiment de l'eau. Des fois, c'était vraiment des douches, mais des fois, c'était faux. C'était pour rassurer le truc. Et là, dans la scène de Spielberg, c'est l'eau qui coule par là. Voilà. Mais il focalise, et t'as cette espèce d'angoisse. Est-ce que c'est du gaz ou est-ce que c'est de l'eau qui va sortir? Mais aujourd'hui, ils ont essayé de se rapprocher d'une version un peu plus crédible. Et ils disent, non, mais en fait, c'était des granulés, etc. C'est autre chose. Il y a une séquence qu'on a retrouvée à démocratie participative dans les archives d'un institut consacré à l'Holocauste en Californie, d'une juive grecque qui prétend avoir survécu à l'Holocauste. C'est elle qui raconte notamment son épisode sur les fameuses saucisses en viande de juifs gazés qui étaient distribuées ensuite aux détenus juifs. Ne riez pas, hein, elle le dit face caméra. Et elle parle justement du gazage par douche. Elle ne parle pas de granulés, de zyklombés ou je ne sais pas quoi. Elle dit, voilà, le gaz venait par les pommeaux, etc. Voilà. Donc, c'était vraiment le... c'était pas aussi fixé qu'aujourd'hui, quoi, voilà. Et alors, du coup, Pierrot, par rapport à Polonski, en revenant sur tout ça, sur les aveux bidons, les théories bancales, mais surtout le phénomène culturel du show à business, alors au début avec les bouquins et ensuite avec les films, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à Roman Polanski, par exemple ? Ah non, mais je voulais pas parler de Polanski, moi je voulais parler de pas cinéma Polanski et, en particulier, et de littérature, en fait, quoi. Parce qu'en fait, il y en a marre à chaque fois qu'on nous balance toujours les mêmes conneries, les mêmes œuvres littéraires ou cinématographiques sur le même sujet de la part de gens qui n'ont pas spécialement... En fait, quand on n'a pas de talent, on fait ça et on est sûr que ça marche. Voilà, on est sûr de faire du fric. Enfin, dans le cas de Polanski, tu as quand même cité un exemple. Tu dis, voilà, il voulait insérer une scène où il y avait des soldats allemands qui éclataient la tête de prisonniers juifs contre les murs en disant « je l'ai lu quelque part » et puis au fond « non, mais en fait, je l'ai vu de mes yeux et puis mais je ne suis pas sûr ». Voilà, enfin, c'est... Et finalement, il la met pas dans son film, quoi. Ah ouais, il s'embrouille dans ses mensonges, quoi. C'est typique des menteurs compulsifs comme lui, quoi. Je voulais juste parler une petite note un peu marrante. C'est pas vraiment le sujet, mais je peux empêcher. J'aime bien rigoler un peu. L'émission, c'est aussi un peu pour se détendre, pour donner un peu les raisons qu'avancent les juifs par rapport à l'Holocauste magique. Donc, Elie Wiesel disait seul le survivant prêtre de l'Holocauste, donc c'est-à-dire lui-même, est qualifié pour percer son mystère. Le mystère de l'Holocauste est incommunicable. Il nous est même impossible d'en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que lui en parle tout le temps. Et d'ailleurs, l'auteur rajoute, avec un peu d'ironie, que les conférences d'Elie Wiesel, ben, en fait, il était payé 25 000 dollars à chaque fois qu'il faisait une conférence pour parler d'un truc indescriptible. Dont il ne faut pas parler. Dont il ne faut pas parler. Tu as aussi des universitaires juifs qui insistent sur le caractère particulier de la Shoah. Notamment Nathan Glaser qui dit que le caractère particulier de la Shoah est dû au caractère particulièrement distinct des Juifs. Donc le Goy qui dit ça, il comprend pas. Mais en fait, vous Goy, vous êtes de la merde. Nous, on est le peuple élu. Donc vous vous rendez compte, si on nous tue, nous, ça a de la valeur. Si on tue des Goy, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est aussi une raison pour laquelle Israël doit se doter de l'arme nucléaire. C'est ce qu'il avance, donc intéressant. Il y a des liens qui sont faits apparemment, effectivement. Oui. Ah ouais, bah des liens politiques, hein, ils sont très clairs. Hein. Oui, Elie Wiesel dit que les Juifs sont haïs parce qu'ils sont ontologiquement exceptionnels. Rendez-vous compte. Ah, c'est pas faux, mais pas au sens où on entend exceptionnel traditionnellement. Mais c'est sûr qu'ils sont, ils sortent de la norme, oui. Ah oui, bah, ils sont supérieurs, c'est ce qu'il veut dire lui. Oui, lui, il veut dire ça. Pas spécialement oui. La même définition d'exceptionnel. Pour les universitaires Nathan et Ruth Perlmutter, l'antisémitisme provient de la jalousie des gentils et de leur fureur de voir les juifs les surpasser. Les gentils, plus nombreux et moins évolués, s'irritent de voir les juifs moins nombreux et plus évolués. Voilà. Voilà un peu le package des Youpin, quoi. C'est ce qu'avait dit Jacques Attali, hein, c'est l'ingratitude des Goy. J'en ai fini pour ces... C'est pas faux, effectivement. Ça vient du succès des Juifs, mais c'est plutôt de la façon dont ils obtiennent leur succès. Mais ça, ils le disent pas. Ah ouais, voilà, ouais, je crois qu'il y a aussi ce côté-là. Ouais. Mais c'est bien, on approche, mais... Alors, moi, je pense que Polanski sort quand même son documentaire très larmoyant. De toute façon, c'est larmoyant. C'est marrant, hein, parce que le peuple juif, c'est quand même un peuple qui dispose de l'arme nucléaire, qui ratonne à tour de bras, qui essaye d'intimider gouvernement, nation, toutes les semaines. Hein, si vous tenez informé, toutes les semaines, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en Australie, toutes les semaines, ils harcèlent des gens, des figures politiques, des partis, des publications, etc., pour imposer la terreur. Mais c'est des gens, quand vous les écoutez parler d'eux-mêmes, C'est une espèce d'agneau tremblant, tétanisé par la peur, qui est complètement innocent de tout et qui est sur le point d'être assassiné par des gens qui sont animés à leur égard d'intentions criminelles, mais sans aucune espèce de motivation. Donc entre la description que les Juifs font d'eux-mêmes et ce qu'ils font effectivement, il y a juste un univers entier. Voilà. Et mais alors pour en venir au Polanski, je crois vraiment que il essaye de encore une fois de manipuler l'opinion pour se présenter comme un agneau, alors que le type est un violeur de gamines. D'accord. Si vous vous amusez à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire vous prenez une gamine de 13 ans, vous la droguez pour la sodomiser, on va voir combien de temps vous serez en liberté. Je ne crois pas que ça va durer très longtemps. Roman Polanski, lui, il fait des documentaires sur sa vie. Voilà, ça va, c'est pas le même traitement. Donc là, il y a un Joker Holocaust. Joker Holocaust, tu peux être en résidence comme un type pété de thunes en Suisse. Tu fais des documentaires sur toi-même, autobiographiques, où tu pleures très longuement en te disant que tu as beaucoup souffert, etc. Quand on te demande des comptes sur le fait que tu étais en train de pointer des gamines, tu réponds pas. Tu dis aux gens, allez vous faire enculer. Vous aussi. C'est un véritable totem d'immunité. Hein. Ah non, ouais, là, il est intouchable. C'est ce qu'avait dit Bernard-Henri Lévy quand il était passé à la radio. Vous savez, à un moment donné, là, il s'était fait. Les juges américains avaient vraiment demandé l'extradition de Roman Polanski à la Suisse. Là, tout le CAL s'est mobilisé, et notamment en France, pour demander à la France de faire pression sur la Suisse. Bernard Lévy est passé à la radio il y a quelques années déjà maintenant, et il a dit oui mais c'est l'enfant du ghetto de Cracovie, tu vois, voilà, c'est miraculeux en fait. Mais en fait le propos de ce documentaire, c'est ça, c'est grâce à l'Holocauste j'ai le droit de violer des gamines. C'est exactement le sens de ce truc. C'est une carte de visite qui dit voilà, j'ai le droit de violer des gamines. Il y a eu aussi la polémique impliquant Frédéric Mitterrand, qui avait été ministre de la Culture sous Sarkozy. Et donc, il y avait eu, comme tu l'as mentionné, une histoire d'extradition. Et au nom du gouvernement français, pardon, et aussi de la culture française, Frédéric Mitterrand, qui par ailleurs a été lui-même pédophile avec des garçons, lui, et qui a écrit, qui l'a avoué dans un livre, qui s'appelle La mauvaise vie, je crois, Frédéric Mitterrand avait défendu Polanski. Puis l'époque, le RN avait, ou le FN encore à l'époque, avait un petit peu de. Bon, on pouvait réagir un peu plus rapidement. Puis Marine Le Pen avait dit tiens, mais c'est pas parce que lui-même est pédophile qu'il défend un autre pédophile, etc. Donc, et je me rappelle. Il a fait du buzz avec ça, ouais, c'est ça. Bon. Dans le cas de Polanski, Frédéric Mitterrand avait cité des choses qui sont pas tout à fait fausses. Vous savez qu'il y avait eu aussi l'histoire de sa femme, là, de Polanski, qui avait été tuée par Charles Manson et ses amis. Là, cette histoire. Sharon Tate. Oui, Sharon Tate qui avait été tuée alors qu'elle était enceinte, etc. Bon, je ne dis pas ça pour excuser Polanski, mais ce qui est assez reconnu quand même, c'est pourquoi est-ce qu'il a été choisi et soutenu et financé pour faire ce film de nouveau, ce documentaire sur le Shoah, sur sa vie. C'est qu'il a, il est reconnu comme ayant un certain talent de cinématographie. Il y a eu quand même des films comme Rosemary's Baby, justement, qui touchaient à la question du satanisme et qui auraient incité Charles Manson à tuer sa femme. Techniquement parlant, jamais personne n'a reproché quoi que ce soit à Polanski. Techniquement parlant, il a toujours été très bon. Spielberg, dans ses réals ou dans ses productions, a toujours été exceptionnel. Quand Spielberg est producteur, il est aussi souvent réal. Et même pour les jeux d'acteurs, etc. Liam Neeson dans La liste de Schindler est absolument exceptionnel. Mais c'est souvent le fond qui est en cause. La technique, c'est souvent irréprochable. Oui, après, est-ce que c'était le projet lui-même de Polanski en l'occurrence de faire ça, parce qu'il a déjà fait un film là-dessus. Simplement, excuse-moi Alex, mais simplement sur la technique, attention, la grande majorité des techniciens autour de ça sont des anglo-saxons. Hein. Faut pas perdre de vue ça, hein, sur l'image, le son, etc. Hein, toute la machinerie, elle est assurée par très essentiellement des professionnels du cinéma anglo-américain. Les mecs qui apportent le fric, c'est des juifs. Les scénaristes, c'est des juifs. T'as un mec qui fait un peu de mise en scène, machin, type réalisation, etc. C'est un juif. Mais tout le boulot pour avoir un produit technique propre, c'est des Américains. T'as qu'à regarder les noms génériques, c'est pas des Berg ou des Cohen ou des Levy, hein. C'est des Américains, hein, des Anglo-Américains, des WASP, hein, qui font que le film, techniquement, il est très solide. C'est eux ensuite qui viennent justement mettre le fond dont que tu critiques. Excuse-moi d'avoir coupé, Alex, mais je voulais insister sur ce point-là. Oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter d'autre. Disons que, alors moi, là où je m'interrogeais, c'est est-ce que c'était le projet de Polanski lui-même de faire un projet sur sa et de faire un film sur sa vie et sur la Shoah, sachant qu'il en a déjà fait un, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment Pierrot sur le pianiste. Bon, est-ce que c'était son projet ou est-ce qu'il a été mis sous pression par la communauté qui, par ailleurs, le protège quand il le faut et qui le finance, qui est la sienne, hein, quand même, c'est sa communauté juive. Je sais pas, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un certain âge. J'avais l'impression que ces dernières années, il faisait plus rien, mais bon. Non, là, c'est pas lui qui est aux manettes, mais c'est clairement un publi-reportage. C'est un publi-reportage, c'est évident. C'est évident, et c'est très centré sur les questions communautaires. Rappelez-vous qu'il vient de sortir un film sur l'affaire Dreyfus, avec Jean Dujardin, cette espèce de Shabbat Goy, là. Rebelote, et toujours pareil, il y a toujours un message derrière tout ça. Il y a des films de commande communautaire, on voit très très bien où ces gens-là veulent en venir, quoi. Voilà, c'est jamais innocent. De toute façon, ces gens-là font rien innocemment. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais préciser. Bon, voilà pour Roman Polanski, mais messieurs, on peut enchaîner quand même, hein, sur la moralité du peuple élu, peut-être. C'est très intéressant, c'est Le Parisien qui nous en parle. Alors, je vous lis cet article. Dissimulé derrière une kyrielle de sociétés très lucratives de rénovation énergétique, un réseau franco-israélien d'aigrefins est soupçonné d'avoir blanchi près de 10 millions d'euros de fonds sales. Trois hommes et une femme ont été mis en examen jeudi soir à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, à l'issue d'une enquête de la Brigade de Recherche et d'Investigation Financière, la BRIF. Elles se présentent officiellement comme des actrices engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique. Mais ces entreprises d'apparence respectable, qui règnent en maître dans le milieu de la rénovation énergétique, se retrouvent aujourd'hui dans le viseur de la justice en raison des turpitudes de ses dirigeants, soupçonnés d'utiliser ces sociétés pour blanchir des millions d'euros d'argent occulte. Donc en fait, l'argent vient d'ailleurs, c'est pour le laver. Trois hommes d'affaires et une secrétaire âgée de 23 à 50 ans ont été mis en examen jeudi soir par un juge d'instruction de Nanterre, notamment pour blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et escroquerie. L'un d'eux, un franco-israélien considéré comme le chef du réseau, a été écroué conformément aux réquisitions du parquet. L'enquête des policiers de la brigade de recherche et d'investigation financière a démarré à l'automne dernier par un renseignement. Une myriade de sociétés spécialisées dans la pose de pompes à chaleur et autres chauffe-eau thermodynamiques, dont les bureaux de la holding se situent à Suresnes, se livreraient à des malversations. Ce secteur est particulièrement vulnérable aux arnaques puisque ces équipements « verts » entre guillemets sont très coûteux, en moyenne 12 000 euros la pièce, et surtout parce que leur installation ouvre droit aux clients à des aides et subventions pour récompenser son geste écolo. Pratiques commerciales trompeuses, crédits vérolés, installations non conformes dans les maisons, la complexité des réglementations et la forte demande permettent à ces sociétés de flouer les clients et générer un chiffre d'affaires colossal, plus de 30 millions d'euros. Selon les investigations des enquêteurs, les dirigeants de ces sociétés profitaient de ces activités très lucratives pour ensuite ventiler de très grosses quantités d'argent sale, amenées par d'autres entreprises véreuses et désireuses de masquer l'origine frauduleuse de leurs fonds, souvent issus d'autres escroqueries ou abus de biens sociaux. Le réseau d'aigrefins justifiait ses virements sales dans son chiffre d'affaires par de fausses factures et percevait un pourcentage sur l'argent blanchi. Les fonds transitaient ensuite via des sociétés écrans en Europe avant que leurs traces ne se perdent à l'étranger, probablement dans des paradis fiscaux. En quelques mois à peine, le réseau aurait ainsi brassé entre 9 et 10 millions d'euros blanchis. Les policiers de la BRIF ont découvert que ces sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables étaient dirigées en France par au moins deux gérants, de fait, et que le véritable patron tirait les ficelles depuis Israël. Ils ont profité d'un séjour du commanditaire en région parisienne pour l'interpeller mardi et le placer en garde à vue, ainsi qu'une dizaine d'autres suspects, dont une secrétaire chargée de transporter l'argent en cash généré par les banquiers occultes et le dissimuler à son domicile. Moi, je suis toujours friand de ces histoires, hein, parce que vous le savez que c'est quand même l'avant-garde de l'Occident, nos meilleurs alliés contre la barbarie islamiste, et ce sont des gens qui ne souhaitent vraiment que notre bien. Donc je suis toujours soucieux de vous tenir informé, hein, de ce qui se passe un petit peu de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est la dernière escroquerie, c'est les pompes à chaleur écologistes, et ça truande à mort. Alors on avait eu l'arnaque à la taxe carbone, hein, il y a... Vous connaissez tout ça, hein, avec toute une bande israélienne aussi. Meir Habib d'ailleurs, qui quelques cadavres qui ont traîné aussi dans les rues de Paris. Qu'est-ce que vous voulez me dire, faites un geste pour le climat. Le domaine énergétique est un lieu de... On en parle beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que c'est le lieu de nombreuses arnaques. On voit des reportages sur des gens qui ont fait installer des éoliennes, par exemple chez eux, quoi, éoliennes individuelles. L'éolienne se casse la gueule un mois plus tard, et puis on s'aperçoit que la société a disparu, ou que en fait la société n'était pas homologuée à faire poser son éolienne. Donc si jamais vous faites des... Alors, je ne sais pas si en l'occurrence c'était des Israéliens qui dirigeaient cette pseudo-société, mais en tout cas, il faut faire attention quand vous faites poser des choses. Il faut vérifier l'homologation de l'entreprise, israélienne ou pas. Là, c'est petit bras. Hein. La grosse escroquerie, c'était la taxe carbone. Là, on parlait de milliards d'euros qu'ils avaient volés aux contribuables français depuis l'État d'Israël. Hein. Mais donc, c'est vrai que là, avec leurs dizaines de millions d'euros, là, on était au tout début d'une arnaque. Ils ont été très vite repérés. Mais des trucs comme ça, il y en a tout le temps. Hein. C'est les rois de ces trucs-là. Hein. Voilà, hein, donc bon, en fait, dès qu'il y a un truc subventionné publiquement, vous êtes sûr que les juifs vont, vous allez retrouver les juifs dans l'arnaque. C'est clair, ils vont vous monter des entreprises bidons juste pour pouvoir percevoir la différence en termes de subvention. Ça marche à chaque fois. Voilà, la vache à lait socialiste, donc la vache à lait de la subventionnite française, il y en a systématiquement une partie qui retombe dans les coffres forts de très gros juifs. Qui sont embusqués en Israël. Voilà. Et il y a beaucoup de décisions qui sont prises, c'est-à-dire que les flics font leur boulot, souvent ils lèvent des lièvres, mais il y a un mot d'ordre qui tombe du gouvernement, on leur dit non, vous arrêtez, pas plus loin. Parce qu'évidemment, ils ont des protections. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, attention. Voilà, donc je tenais quand même à vous tenir informé. Quelqu'un... Ouais. En fait, c'est très simple. Si on retire tout l'argent sale, les arnaques... de la communauté juive, et ben le PIB de la communauté juive, c'est à peu près celui de Madagascar, en fait. Tu veux dire de l'État d'Israël, quoi? Ah non, mais pas l'État d'Israël. Ah oui, toi tu dis tout, la juiverie au global. Oui, quoi. La communauté juive dans l'ensemble, dit t'enlèves l'argent sale, je pense qu'il reste pas grand-chose. Ouais, c'est pas faux, je suis assez d'accord avec ça. Enfin bon, voilà, je vous tiens informé, hein, de... des relations franco-israéliennes qui sont donc au beau fixe. À titre personnel, pour l'anecdote, je pense que c'est votre cas aussi, j'ai été harcelé de coups de téléphone pour des histoires de pompes à chaleur et de subventionnées par l'État. Mais j'ai dû recevoir, je ne sais pas, au fil des années, des dizaines et des dizaines de coups de téléphone. J'ai dû d'ailleurs débrancher mon fixe pour ne plus être harcelé. Ça venait peut-être pas nécessairement de France, hein, les coups de téléphone. Hein. Ah ben, je ne sais pas. De toute façon, pour ces gens-là, c'est pas très difficile de recruter une entreprise qui offre des services de plateforme téléphonique et d'aller relancer les gens. Hein. Alors, messieurs, des nouvelles d'un personnage haut en couleur. C'est Ahmed Moalek. Vous connaissez Ahmed Moalek, d'origine algérienne, un chansonnier connu de longue date, compagnon jadis d'Alain Soral, de Dieudonné Mbala Mbala. Bon, il y a déjà quand même une bonne décennie de ça. Quelqu'un qui a pu rencontrer plusieurs fois Jean-Marie Le Pen, etc. Bon, un personnage haut en couleur, dira-t-on. Alors là, les Juifs viennent de lui réserver un traitement particulièrement brutal. Je vous livre cet article du journal La Montagne, puisqu'il se trouve que Ahmed Mualek en fait résidait dans l'Allier avec sa famille. Et c'était quelqu'un qui prenait régulièrement la parole, comme certains le font, sur YouTube, hein, un créateur de contenu, dira-t-on. Et alors, voici ce que nous dit cet article. Il avait posté 17 vidéos dans lesquelles il appelait notamment à tuer des personnalités publiques, oui, d'origine juive. L'activiste Ahmed Mualek, 53 ans, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Il est rare de voir 5 avocats de Paris réunis sur la même affaire au tribunal judiciaire du Cusset. Tout comme il est rare, dans cette juridiction, d'évoquer les noms de leurs clients. La journaliste Ruth Elkrief, l'essayiste Gilles William Golnadel, l'avocat, enfin Golnadel est avocat aussi, d'ailleurs, l'avocat Alain Jakubowicz, donc le patron de la LICRA et avocat de l'égorgeur d'enfants Lelandais, faut-il le rappeler, la chroniqueuse sur CNews Elisabeth Lévy ou encore sur BFM TV, et encore, il y avait des personnalités morales aussi, BFM TV, l'Organisation juive européenne ou le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Les faits reprochés ne sont pas non plus communs à Cusset. Apologie publique d'un acte terroriste, provocation publique à la haine, menace de mort en raison de la race ou de la religion, provocation au crime, apologie de crime. Ancien candidat aux élections européennes de 2009 sur la liste antisioniste de Dieudonné et Alain Soral, Ahmed Mualek était jugé jeudi après-midi pour 17 délits commis entre novembre 2018 et octobre 2020, depuis le petit village bourbonnais où il réside. Apparemment, il avait déménagé vraiment dans une zone très rurale du centre de la France. Il s'agit de paroles publiées sur les réseaux sociaux dans des vidéos qui durent parfois plusieurs heures, des paroles constatées par huissier. Ahmed Mualek appelle, je cite, hein, à brûler les écoles de la République, à brûler CNews, à brûler BFM TV. Des menaces directes sont aussi évoquées, je cite encore, il faut brûler Ruth Elkrief, il faut mettre une pastille. Sous-entendu une balle, hein, à Zemmour, à mettre une pastille à tous les juifs. Pour Gilles William Golnadel, une balle dans la tête, on serait tranquille. Au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, l'activiste indiquait dans une vidéo qu'il s'agissait d'un pseudo-attentat qu'il avait eu et qu'il avait eu ce qu'il méritait. Alors, la liste est longue, mais la présidente du tribunal Aurélie Mahé, qui est d'origine bretonne donc, est allé au bout, citant notamment des phrases antisémites. « J'appelle à faire couler le sang des Juifs, cette race de vipères. Ils ont subi la Shoah et c'est une bonne chose. » La présidente a poursuivi la lecture des faits, malgré les nombreuses interruptions du prévenu, pour qui, je cite, « ces phrases sont sorties de leur contexte. Je ne reconnais pas ces mensonges », a aussi répondu Ahmed Mualek à la présidente. Il a ensuite lancé une formule qu'il a répétée plusieurs fois lors de l'audience, je cite, c'est du bavardage tout ça. Je n'ai pas commis de crime. Personne n'a commis de crime en mon nom. Le prévenu a également dit plusieurs fois qu'il était persécuté et qu'il avait reçu des menaces d'égorgement pour lui et ses enfants par le lobby juif. Les juifs, une véritable obsession chez le prévenu, selon l'expertise demandée par le tribunal. J'aurais aimé connaître le nom du docteur. Meir Habib, député UDI des Français établis hors de France, bon, des Israéliens en fait, hein, fait partie des victimes menacées. Il était président au tribunal de Cusset pour voir le prévenu droit dans les yeux. Hasard du calendrier, jeudi au Parlement, nous avons renforcé la loi contre le terrorisme et le renseignement, a souligné le député. Je vis sous protection depuis 6 ans à cause de menaces. Même protection pour Ruth Elkrief, a indiqué son avocate Maître Sanson, qui a ajouté à propos du prévenu, il est dangereux, influent. Maître Chotard, conseil de Meir Habib, a préconisé, je cite, de priver cet homme qui a l'intelligence du mal de toute liberté d'expression. Et il a donc été condamné à 5 ans de prison. Alors, je propose à nos auditeurs d'écouter un extrait, en fait, d'une satire d'Ahmed Mualek, car évidemment, il se livrait à la satire, c'était de la satire, c'était un exercice de polémique, c'était pas littéral. On écoute quand même et on se retrouve. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu vas faire quoi avec tes banques? Tu vas acheter le paradis avec tes banques, le juif? Tu t'enorgueillis, tu te crois tout puissant? Tous les jours, tu m'appelles? Ah, puis tu veux que moi je sois gentil avec toi, espèce de sale juif? Tu mets ma famille en danger, espèce de sale juif? D'accord? Tu appelles à l'égorgement de la chrétienté, espèce de sale juif? D'accord? Vous censurez les gens, espèce de sale juif? Qu'est-ce que tu crois, toi? Que je vais me taire? Que je vais les... Sale juif, je te dis, moi. Moi, j'ai la Shoah à exister. Allahu Akbar. Je suis peuple. Tu peux pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de savoir que la Shoah a existé et que c'est les gens comme toi qu'on finit dans les chambres à gaz. Et je suis content aujourd'hui. Et que je suis content de pouvoir le dire aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, je suis content de pouvoir dire aujourd'hui, je suis bien content que la Shoah a existé, mais je regrette que toi, t'étais pas dans les trains. Toi et tous ceux qui emmerdent le monde aujourd'hui, vous les banquiers. Fini, je t'ai dit. Fini. Vous tirez à vue sur les gens? Fini. Vous voulez la guerre civile? Elle va arriver, la guerre civile. Moi, au moins, je dirais ce que j'ai à dire. Contrairement à tous ces lâches d'humains. Ces lâches d'humains que vous avez asservis, d'accord? Que vous menacez. D'accord? Vous voulez vous appeler à l'égorgement et nous, on va falloir qu'on se taise au nom des lois de Pharaon. Va te faire enculer, toi, tes ancêtres, ta Shoah, ton Israël. D'accord? Allez vous faire enculer. D'accord? Alors, on a écouté la satire d'Ahmed Moalek. C'est une satire beaucoup plus longue. On a mis juste un extrait là. C'est une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus riche. Évidemment, qui est une performance en réalité, hein, moi je le prends comme ça. C'est pas un projet d'attentat structuré avec l'intention d'assassiner qui que ce soit. C'est de la polémique. Absolument. Pour moi, c'est un chansonnier. Hein. C'est comme Mehdi M'Eklate. Il s'est créé un personnage justement pour dénoncer l'antisémitisme. Alors, je sais pas si vous voulez dénoncer l'antisémitisme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une performance artistique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet exercice et même de 5 ans de prison ferme pour 17 vidéos. 5 ans de prison ferme, je veux dire, c'est quand même... Et soyons clairs, il les fera, hein. On ne collera pas une réduction de peine. Quelque part, bon, bah, c'est dans la lignée, je dirais que c'est dans la ligne du parti, puisque de toute façon, l'État français a décidé de se battre à fond les manettes contre l'antisémitisme et les mafias juives qui font tout pour nous pourrir l'existence. Donc, de toute manière, le gars, j'aurais tendance à dire qu'il était jugé d'avance. Là où c'est fort le café, c'est que personne ne se pose la véritable question, à savoir pourquoi il en est arrivé à faire cette vidéo dans laquelle, pendant une minute et quelques, il n'arrête pas de dire joyeusement ce qu'il pense merveilleux, d'une manière absolument merveilleuse, de cette sous-race de l'humanité, à savoir le juif. Parce qu'il a quand même bien fallu, pour qu'il en arrive à péter un câble pareil, en se rendant quand même bien compte que ça n'allait pas rester lettre morte au niveau judiciaire, il a bien fallu qu'on lui bourre le bourrichon, le garçon. Et ça, on n'a pas l'explication. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Alors, moi, je l'ai. Et pour qu'il en arrive à péter un câble comme ça, il faut le faire. Alors, je l'ai. Alors, en fait, il était effectivement harcelé depuis très longtemps par des juifs. Il avait d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, quand il en avait encore une, il diffusait des extraits de menaces téléphoniques qu'il recevait, de gens qui revendiquaient le fait de le harceler, qui revendiquaient le fait de le suivre, au nom d'ailleurs du militantisme juif. Enfin, c'était très clair, très ciblé. Donc, au bout d'un moment, Ahmed Moalek, effectivement, a été complètement excédé par les menaces qu'il subissait, et il a ouvert son cœur sous la forme d'une satire, une forme un peu pamphlétaire, dans la meilleure tradition voltairienne, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai que moi-même, qui suis un critique de l'immigration, je constate qu'une certaine forme d'intégration avec Ahmed Moalek avait eu lieu. Hein, il reprenait quand même à son compte toute une tradition littéraire française d'interpellation, de polémique, de pamphlet. Ah ouais, on est au niveau d'un J'accuse d'Émile Zola. Hein. Alors, on pourrait voir ça. Moi, je vois plus du Voltaire, je vois plus du Céline un peu aussi, dans la satire. Hein, on est vraiment dans ce registre. Et voilà, mais il était menacé, il dit voilà, au bout d'un moment, il y en a marre d'être menacé, il y en a marre de faire peser des menaces sur mes enfants, et voilà, et vous les juifs, je vais vous dire ce que je pense de vous, mais évidemment, mise en scène dans le cadre d'une vidéo, d'une performance, et voilà, et dans 5 ans de prison pour avoir dit ce qu'il pense des juifs, ben moi, ça me laisse quand même assez rêveur, je dois dire. Je suis assez rêveur. J'ai vu que Gil Taïeb récemment, alors là du tout, c'était, enfin là du coup, c'était pas du tout une performance artistique, c'était pas dans ce registre-là. C'était une déclaration à caractère politique hein, de Gil Taïeb, hein, numéro 2 du CRIF quand même, qui appelait à commettre des crimes de guerre explicitement à Gaza. C'est-à-dire qu'il disait ouais, non, mais là il faut y aller, faut des crimes de guerre, faut vraiment tuer des vieux, des gosses et tout, faut vraiment massacrer à mort des Arabes. Et ça va le faire. Donc le père de la loi Avia, hein, c'est lui qui a pensé la loi Avia pour lutter contre le racisme et l'islamophobie. Et il dit non, là l'armée israélienne, faut y aller à fond, quoi. Faut vraiment éclater du bougnoul. Pour le coup, faut mettre de la cervelle de gamin sur les murs. Faut pas hésiter, quoi. Et alors j'ai vu que son tweet a été dénoncé par certains observateurs qui ont dit mais comment se fait-il? Mais très étonnamment, hein. Je n'ai pas vu de déclaration fracassante du parquet, je n'ai pas vu de déclaration fracassante du ministère de l'Intérieur, je n'ai pas vu M. Dupond-Moretti se saisir quand même de ces déclarations quand même assez incroyables de la part d'un membre très éminent de la communauté juive organisée avec lesquels les pouvoirs publics ont des relations très suivies, notamment lui-même, puisque Dupond-Moretti a régulièrement reçu le numéro 1 du CRIF, hein, M. Francis Khalifa, donc... De savoir que le numéro 2 se livre à ses déclarations, on aurait pu se dire que peut-être M. Dupond-Moretti va se distancer, va faire... Non, c'est le silence radio total. Donc je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que finalement un chansonnier qui se livre à un exercice artistique chez lui devant une webcam subit la répression la plus totale avec 5 années de prison ferme, après avoir été constamment harcelé, et de l'autre un responsable politique qui lui n'est pas dans le registre de l'humour ou dans le registre... j'allais dire, de l'artistique ou du performatif, mais qui est bien dans le registre politique, appelle à commettre des crimes de guerre, publiquement, et continue d'officier, tout en étant d'ailleurs un activiste antiraciste. Je m'interroge. Je me pose des questions. Mais je crois que j'ai pas fini de poser des questions. Je crois pas que j'aurai de réponse. Bon, en tout cas, dans l'Allier, ils ont vu la cavalerie débarquer. Hein. Ça, c'est clair. Même la presse locale, vous avez vu, le correspondant local, il dit, oh, putain, on n'a jamais vu ça. c'est impressionnant. Hein, pour les gens du CRU, Cusset, je connaissais pas le bled. Mais ouais, ils ont vu les gens arriver là. Bon, bah, avis aux amateurs d'art. Hein, art et essai. Quelqu'un là-dessus, bon, quand même, j'espère qu'il y aura un procès en appel. Je veux dire, mais quand je vois les accusations sur un registre un peu plus sérieux, terrorisme, etc., il faut arrêter, quoi. Ahmed Moalek, porte-voix de l'État islamique, bon, faut être un peu sérieux, quoi. Bon, bref. Et Meir Habib s'est déplacé himself, hein. Entre deux raids sur Gaza. Il y a une certaine... c'est extraordinaire la facilité de déplacement de ces gens entre Israël et la France. C'est extraordinaire. Un coup, ils sont dans le bureau de Netanyahou, le lendemain, ils sont dans l'Allier en train de gérer les années de prison que va prendre un type qui a dit un truc devant sa webcam. Le surlendemain, il décide d'une loi de machin. Tout ça est extraordinaire. Quand tu sais que Meir Habib, sa circonscription a été faite coups humains par Manuel Valls pour s'assurer qu'il soit élu, je reste tout à fait fasciné par cette république. Il y a quelque chose. Quelqu'un d'autre sur l'affaire Moalek? On va attendre le prochain, hein. On va attendre le prochain, hein. Ça devrait pas tarder. En tout cas, on est d'accord, hein. Maintenant, c'est de la tôle ferme, hein. On arrête de blaguer, hein. C'est clair. Voilà, le message est passé. Maintenant, c'est déportation pour tout le monde. Un peu de dictature sanitaire pour bien terminer, quand même, c'est là quand même l'actualité. Je vais peut-être solliciter un peu plus Alexis, parce qu'il suit ça de très très près. Alors, plusieurs choses cette semaine, on va commencer là-dessus. C'est la vaccination pour les 12-18 ans, annoncée par Macron. Alors brièvement, là j'ai un entrefilet de France Info. C'est très court, ça fait deux paragraphes. Donc les adolescents de 12 à 18 ans vont pouvoir se faire vacciner à partir du 15 juin. Emmanuel Macron en a fait l'annonce lors d'une visite à Saint-Cirq-la-Popie dans le Lot. Pardon, dans le Lot, autant pour moi, mercredi 2 juin. Le chef de l'État a par ailleurs expliqué que la barre des 30 millions de vaccinés serait franchie le 15 juin. Alors vacciner, c'est vacciner au moins une fois. L'Agence européenne de médicaments avait autorisé la vaccination des 12-15 ans avec le vaccin Pfizer-BioNTech le 28 mai. La vaccination des adolescents se fera sur la base du volontariat avec l'accord des parents, a précisé un peu plus tard sur TF1 le ministre de la Santé Olivier Véran. Les adolescents seront vaccinés avec le produit donc de Pfizer, hein, a-t-il ajouté. Donc Pfizer, c'est donc le juif bourla qui se frotte les mains. Alexis, qu'est-ce que tu penses de cette vaccination à grande échelle des adolescents? Oui, bah c'était dans les tuyaux depuis un petit moment, donc là on avait déjà un petit peu parlé récemment. Ça a été validé, c'est pas tellement une surprise concernant la logique, compte tenu de la logique macroniste et la logique au pouvoir. On a déjà rappelé plusieurs fois que c'était extrêmement rare que des enfants soient malades ou décèdent du Covid-19, a fortiori. Donc là, c'est très inquiétant puisqu'on ne sait pas évidemment ce qui va se passer à long terme. À court terme, il y a des gens qui ont évidemment reçu des effets indésirables, qui sont morts parfois même, mais sur le long terme, c'est encore plus inquiétant. Voilà. Alors, attardons-nous sur la mortalité par âge, par tranche d'âge, qu'on sache de quoi on parle. Alors, pour les moins de 20 ans, ça c'est la source que je vous donne, c'est Le Parisien, il n'y a pas plus autorisé. Hein. Le Parisien, je cite, hein, coronavirus, taux de mortalité chez les personnes infectées, donc il y a par sexe, pour les hommes et pour les femmes, chez les moins de 20 ans, 0,001. Vous m'entendez bien, hein ? Les moins de 20 ans, taux de mortalité des personnes infectées par le coronavirus, 0,001. C'est-à-dire, personne ne meurt du Covid-19 chez les moins de 20 ans. Ça n'existe pas statistiquement, quoi. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, l'argument utilisé, il faut vacciner les jeunes pour qu'ils ne soient pas malades et qu'ils en meurent. Bon, bah, je viens de vous expliquer qu'ils n'en meurent pas. Premièrement, faut pas contaminer les autres. Alors, on sait que le vaccin n'empêche pas la contamination, en l'absolu. Mais les autres sont censés être vaccinés et ne pas subir de formes graves en raison de ça. Alors, pourquoi vous allez vacciner des gens, des jeunes, adolescents, qui ne souffrent pas de cette maladie, d'accord, ils sont asymptomatiques, qui n'en meurent pas. Pourquoi allez-vous les vacciner si, en plus, le vaccin n'empêche pas la transmission de gens qui sont par ailleurs déjà vaccinés, dont on nous dit qu'il n'y a pas de risque pour eux, compte tenu de la vaccination? Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez réagir à ça? Je veux dire, on est d'accord que là, on se fout de la gueule du monde. Enfin, les pouvoirs publics en France se moquent des gens. C'est à tel point que je me demande s'ils ne recherchent pas des émeutes volontairement. Ils disent, c'est bizarre, vraiment, les gens ne réagissent jamais. On va peut-être leur mettre un truc vraiment flagrant. On va voir si ça fonctionne, je ne sais pas. Comment vous voyez ça? Ouais, moi, ce que je vois aussi, c'est le distinguo qui peut mener justement à des affrontements, même physiques, pourquoi pas, entre le camp de gens qui finalement ont fait comme on a dit de faire à la télé, c'est-à-dire il faut respecter le masque, la distanciation, le confinement, puis maintenant le vaccin et tout ça, et puis ceux qui sont un peu plus critiques ou qui sont un peu plus méfiants, pour des bonnes raisons à mon avis quand même, mais on l'a expliqué déjà en large et en travers pourquoi, et je pense que ça peut aller loin dans les conflits entre les personnes et aussi dans le cadre des familles. Alors la dernière fois j'avais peut-être fait une erreur en disant que les enfants qui, en France du moins, les enfants qui veulent avoir le vaccin pourraient l'avoir même si leurs parents ne veulent pas. En fait, c'est pas tout à fait exact, mais c'est le cas au Québec, par contre, au Canada, c'est le cas. C'est-à-dire si les jeunes, donc ça va venir, je pense, aussi en France, c'est-à-dire si les adolescents encore mineurs donc veulent avoir le vaccin et que les parents ne veulent pas, c'est la vie du mineur qui prime. Donc l'autorité parentale est battue en brèche. Et là, qu'est-ce qui va se passer si jamais... Donc il y a des médecins, des infirmières qui vont passer dans les écoles ou dans les collèges pour venir expliquer c'est bien de se faire vacciner, patati patata, évidemment ça va se faire comme ça. Il y a forcément dans une classe certains qui vont se faire vacciner, qui vont trouver ça bien, qui vont vouloir montrer du doigt les gamins qui veulent pas. Il y a, parmi les parents, il y a forcément, on sait qu'il y a des familles séparées, mais même s'ils sont pas, si les parents ne sont pas séparés, ils n'ont pas forcément les mêmes opinions sur tout. Peut-être qu'il y a des mères de famille qui vont vouloir plutôt être pour ou plutôt être contre. Peut-être que le mari ou le père de famille aura un avis qui sera contraire. Ça peut aller très loin, toutes ces histoires. Ça peut aller très loin dans les conflits. Moi, ce qui me bon, là, le problème central ici, c'est que il n'y a aucun danger pour les adolescents. Pourquoi allez-vous vacciner des adolescents? Ils essayent même pas d'argumenter sur ce point. Ils disent non, mais c'est pour éviter qu'ils transmettent la maladie aux autres, qui sont censés être vaccinés, donc ne pas souffrir de forme grave du Covid. Quel est l'intérêt? Bon, on se moque des gens. Donc, on veut absolument vacciner toute la population pour des besoins de contrôle, à minima pour des besoins de contrôle de l'intégralité de la population. C'est tellement évident que ça crève les yeux. Moi, je pose la question, est-ce que vous avez envie de laisser les juifs comme Bourla, de Pfizer, inoculer sa chimie dans l'organisme de vos enfants, en sachant que, comme l'a très bien expliqué le professeur Luc Montagnier, il peut y avoir un phénomène d'altération sur plusieurs générations. C'est-à-dire que là, on est dans un... C'est la porte ouverte sur le vide. On n'a absolument aucune idée de ce qui va se produire. On n'en sait rien. Est-ce que vous, vous faites confiance à des youpins pour faire ce genre de truc? Moi, je vous le dis tout net, non. C'est pas une histoire d'être... Là, il y a le complotisme et tout machin. Il n'y a pas besoin d'être un expert en virologie pour se dire, moi, il est hors de question que je rentre dans un système où des gamins qui ne sont pas exposés à une maladie vont recevoir un truc qui est censé passer dans leurs cellules avec possiblement des répercussions sur plusieurs générations. Moi, je vous le dis tout de suite, ça, c'est hors de question, quoi. Je ne sais pas ce que les gens pensent, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je ne sais pas s'il n'y a plus que de la bouillie dans la tête des gens. C'est possible, hein, chez une grande majorité. Je vous le dis, hein, moi, des parents qui disent « Ouais, j'ai fait piquer mes gosses à Pfizer », moi, c'est des gens, je crois que j'éviterais même leur contact. Enfin, je ne voudrais même pas parler à des gens comme ça, en fait. C'est des gens dangereux. Par leur stupidité, ils sont dangereux. Ils sont vraiment dangereux. Dangereux pour leurs gamins, dangereux pour les autres, à cause de leur stupidité. Et du fait que c'est vraiment de la patte de goy entre les mains des juifs. Ces gens sont vraiment dangereux. Je pense que c'est aussi grave que ça, quoi. Ouais. Alors, je me pose la question, combien de gens vont se faire vacciner, jusqu'où sera la limite? Ils disent 30 millions avec une dose, je ne sais pas combien avec deux doses. Voilà, bon, j'attends de voir le plafond. Mais si on a 10 millions de gens qui refusent absolument de se faire vacciner, bon, ça fait un bon bloc de résistance. Si c'est 2 millions, cette populace est foutue. Hein. Je vous le dis tout net, si ce type-là... je vais aller en vacances, je vais aller en boîte de nuit, donc je vais empoisonner mes gosses. Et même au-delà d'empoisonner, même en disant non, d'accord, il n'y a pas de preuve d'empoisonnement, je vais jouer à la loterie avec la santé de mes gamins, ces mecs sont fous. Pour aller en vacances. Ouais, c'est pour jouer à court terme, sachant que là, l'idée de long terme, de projet, c'est vrai qu'il y a le professeur Montagnier avait parlé du fait que parfois des choses comme le glyphosate qui sont dans l'alimentation, les pesticides, etc., et par conséquent dans l'alimentation que l'on consomme, eh bien, il peut y avoir des incidences sur les enfants que l'on a. Mais là, il y a même un risque, semble-t-il, sur le fait d'avoir, oui ou non, des enfants. J'avais donné la dernière fois des références plutôt anglophones sur ça. Mais il y a aussi Alexandra Orion-Côte, que vous connaissez, je pense, la généticienne, qui, sur son fil Twitter, a fait des développements là-dessus, en tout cas, on a mis des liens renvoyant à certains de ses développements sur la stérilité, puisque une part du vaccin se place sur les ovaires chez la femme et dans les testicules chez l'homme. Donc, ouais, un mot aussi peut-être sur Serge Rader, pharmacien. Serge Rader est un pharmacien qui avait écrit notamment un livre Le racket des laboratoires pharmaceutiques. Il a participé à Hold Up, notamment une interview d'une heure que vous pouvez trouver sur Odyssée. Et donc, il est décédé récemment. Il était parti aux Antilles pour des vacances, je pense. Mauvaise Et idée. alors, on nous a dit que, oui, c'est des circonstances troubles. On nous a dit qu'il avait le Covid-19 et qu'il en était mort dans un premier temps. Il y a des gens qui ont voulu le faire croire, comme Laurent Alexandre, par exemple, le fameux médecin. Et en fait, il apparaîtrait qu'il est, on nous dit maintenant, officiellement, hein, d'après les papiers, qu'il a eu une maladie nosocomiale. Donc, ça veut dire qu'à l'hôpital, il aurait eu qu'il avait guéri dans un premier temps du Covid et qu'il a eu une maladie, qu'il a attrapé une maladie à l'hôpital et qu'il est décédé d'un arrêt cardiaque. Alors, les arrêts cardiaques. Je tiens à préciser que tout le monde décède tout le temps d'un arrêt cardiaque. Tout à fait, je voulais développer. Alors, il y a des informations très précises qui ont été données par le docteur Klinghardt, docteur allemand. Sur Odyssée, là, c'est en allemand, mais il faudrait traduire. Il prétend, lui, alors c'est sa parole, mais qu'il connaît des. On lui a montré l'objet, les objets qui servent en général à éliminer les gens gênants, on va dire. C'est-à-dire, c'est un objet, un peu comme la torture, qui provoque un arrêt cardiaque en faisant croire que c'est un accident, que la personne était en mauvaise santé, que c'est arrivé comme ça, quoi. Donc, Rader, je ne dis pas que c'était l'ennemi public numéro un, mais bon, c'est quelqu'un qui a dit beaucoup de vérités. C'était quel objet, tu dis, on peut déclencher une crise. Tu peux pour revenir là-dessus? En fait, Klinghardt ne montre pas l'objet, mais il affirme qu'il était en contact avec des agents de services secrets, quoi, qui sont comme James Bond, quoi, sauf que James Bond, c'est romancé, mais qui sont payés pour tuer des gens, quoi, des tueurs. Et ces tueurs de métier utilisent un objet, là encore je ne l'ai pas vu, hein, je ne l'ai pas testé moi-même, mais qui envoie des ondes électromagnétiques, notamment un petit peu comme des électrochocs, et qui crée des crises cardiaques chez les gens. Quoi. Les gens qui ont été ciblés comme tels, qui ont été... Il y a beaucoup de morts dans le cas du Covid-19. Il y a eu Brandi Vohan, qui était cadre chez Merck et qui avait dit elle-même, qui avait fait faire un test de santé pour montrer qu'elle était en parfaite santé, qui avait dit si jamais je meurs, ça voudra dire que c'est eux qui m'ont tué. Bon, là encore, on peut pas être sûr à 100% qu'elle a été tuée, mais il y a quand même des forts soupçons. Il y avait eu quelqu'un aussi à Saint-Pétersbourg qui a été soi-disant défenestré alors qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de particulier. Rader lui-même, qui est mort, mais dans l'entretien avec Hold Up, parle de gens qui ont travaillé au laboratoire de Kemena. C'est en Sierra Leone, c'est un laboratoire américain P4, là encore, et là où il y a eu justement l'explosion d'Ebola. Et ces microbiologistes, ils étaient nombreux pourtant, se sont tous retrouvés curieusement officiellement suicidés. Donc il y a tout un tas de morts bizarres. Moi, j'ai pas dit, mais Rader a aussi travaillé avec Fourtillant, lui-même en tôle, je le dis souvent. Mais oui, bon. Voilà, il y a un indice. C'est-à-dire que Fourtillant, 78 ans, après une tentative d'internement en hôpital psychiatrique, avortée, est désormais en détention. Donc ils ont essayé la méthode soviétique soft, qui est la psychiatrisation, et ils sont maintenant passés à la méthode soviétique dure, qui est l'internement proprement dit. Et ça doit quand même alerter. C'est-à-dire que il était le principal compagnon de quelqu'un qui est ciblé par l'État. Ce qui doit quand même susciter à minima l'interrogation. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est commence à faire peur parce qu'on se dit finalement à énoncer quelques vérités. Hein. Rader, c'est toujours très sourcé ce bouquin. Sinon, de toute façon, il aurait été attaqué en diffamation. Il l'a pas été. D'ailleurs, c'est intéressant si Fortillon n'a pas été attaqué en diffamation. Bon, je répète un petit peu, mais il a donc dénoncé l'Institut Pasteur, qu'il estime être le fabricant du Covid-19, puisque l'Institut Pasteur a déposé 5 brevets concernant le SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, autres noms du Covid-19. Mais l'Institut Pasteur, évidemment, ça s'est su qu'ils étaient ciblés. Et ils ont porté plainte contre X, alors que Fortillant avait fait erreur d'ailleurs probablement, mais des photos, enfin pas seulement des photos, mais des vidéos face caméra en disant « Moi je suis Jean-Bernard Fortillant, voilà mon CV, moi je pense que l'Institut Pasteur fait ceci, cela ». Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été ciblé. Mais l'Institut Pasteur, mais c'est contre X, on nuit à notre réputation, mais on ne sait pas qui c'est. Ouais. Parce qu'ils voulaient éviter un vrai débat, parce qu'ils sont... Peut-être que Fortillant a fait des erreurs, bien évidemment, mais il avait expliqué que le virus était fabriqué. Il n'est pas si dangereux que ça, finalement. Par contre, le danger, c'est ce qu'on nous présente comme le remède, qui est le vaccin, qui, lui, est une arme de destruction. Et il y a d'autres gens qui ont dit ça. Et là, petit à petit, ça nous amènera peut-être à Dr Fauci, mais on s'aperçoit que, finalement, toutes ces thèses dites complotistes sont en train de s'avérer de plus en plus vraies. Bon. Alors, le fait qu'elle soit révélée, c'est aussi peut-être intéressant, mais je te laisse peut-être faire une transition pour le docteur Fauty, à Oui, manquer tout à autre fait. chose. Mais juste sur la mort de Monsieur Rader. Donc moi, je m'en tiens aux informations que tu as délivrées, donc je ne vais pas me lancer dans des hypothèses, etc. Je reviens à ce que j'ai toujours dit depuis le début de cette pseudo-crise sanitaire, hein, qui, je le dis, est une crise montée artificiellement grâce aux médias, grâce à Big Pharma et grâce au système de gestion occidental, hein, avec ses conseils scientifiques qui sont un peu des gouvernements de l'ombre. Une espèce de gouvernement d'occupation qui surplombe en fait le gouvernement légal entre guillemets français, dont on sent d'ailleurs que Macron ne sait pas trop comment, enfin face auquel Macron ne sait pas trop comment manœuvrer. C'est intéressant. On voit bien que Macron est corseté, quoi. On voit très clairement qu'il n'a pas toutes les cartes en main. J'avais dit que voilà, avec ce qu'on avait appris. C'est-à-dire qu'on pouvait interner quelqu'un, enfin qu'on pouvait emmener quelqu'un à l'hôpital au prétexte du Covid, et que sur place, on savait, on le sait, qu'on euthanasie des gens. On utilisait le Rivotril notamment. Vous vous rappelez toute cette histoire? C'est-à-dire qu'on va, grosso modo, on disait, ah bah ouais, mais ils sont en détresse respiratoire, donc ça sert plus à rien. Allez, il faut qu'ils partent en douceur, et puis on va les euthanasier comme ça. Le principe de l'euthanasie a été accepté à ce moment-là. Ça a été public, ça n'a pas été contesté par les pouvoirs publics. On l'a admis. On a dit, voilà, oui, effectivement, on euthanasie les cas terminaux, entre guillemets, de Covid-19. On nous disait ça. Voilà. Les gens en état de détresse respiratoire finale sont euthanasiés au Rivotril. Et j'avais dit, bah voilà, vous avez maintenant là un système où, potentiellement, dans le flot des malades, surtout des vieux d'ailleurs, on peut glisser quelqu'un qui pose problème. Et vous ne pouvez pas poser de questions, parce que la personne est hospitalisée, on la décrète en état de détresse respiratoire, on la met sur Rivotril, comme elle est malade, les proches n'ont pas le droit de voir le corps, ils sont jetés tels quels. Entre quatre planches de bois, et les obsèques ont lieu à la va-vite, et les proches ne peuvent rien vérifier. J'avais dit, attention, ça, entre les mains d'un gouvernement comme le gouvernement français, c'est-à-dire aux mains des juifs, ça peut servir à d'autres fins. J'avais dit ça comme ça. Dans le cas de M. Rader, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, au départ, on dit, oui, mais il est mort du Covid, mais il n'est pas mort d'une maladie nosocomiale, etc. Bon, là, on sent que ça va être le flou, et on n'aura jamais probablement le fin mot de l'affaire. Et en plus, on le sait, puisqu'on a on a de nombreux cas comme ça, les médecins légistes font absolument ce qu'ils veulent. Médecins légistes, si le gouvernement dit celui-là, il est mort de ça, démerdez-vous avec ça. Filez-nous les papiers, il y aura les papiers et vous n'aurez jamais de contre-expertise. Ça n'aura pas lieu. Donc on ne saura jamais en fait. Et ça, je voulais insister sur ce point. Alors, deuxièmement, là, c'est ensuite les emails du docteur Fauci. Alors, effectivement, la loi américaine prévoit que pour toute une série d'officiels, de gens occupant une fonction officielle au sein du gouvernement américain, passé une certaine date, on puisse demander la communication d'emails, ce que savent pertinemment, bien évidemment, les officiels en question. Donc, quand les officiels s'échangent des courriels, ils savent que ils pourront tomber dans le domaine public au bout d'un an, pour certains d'entre eux, j'entends. Et donc, évidemment, ils ne disent pas tout ce qu'ils pensent, mais ils sont aussi obligés d'échanger à ce niveau-là, parce que des gens pourraient dire, ouais, mais en fait, il leur suffit d'utiliser une messagerie. Entre eux tranquillement sur smartphone, et ils n'ont pas besoin de tout se dire. Pensez bien que ça existe. Mais il faut quand même qu'il y ait un certain niveau de discussion officielle par les messageries e-mail officielles pour d'emblée pour donner un semblant de crédibilité au système de communication intergouvernemental. D'accord? Donc les e-mails en question du docteur Fauci, ce n'est pas surprenant qu'ils tombent dans le domaine public, c'est prévu par la loi. Ce n'est pas non plus surprenant qu'il fasse un certain nombre de déclarations dans ses emails, parce qu'il est sollicité par des acteurs, notamment étrangers. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans ses emails. Mais parmi les choses qui y figurent et qui sont suffisantes pour alimenter quand même la réflexion, il y a quatre points qui ressortent, qui sont assez significatifs. Le premier point, ce qu'on apprend, Florian Philippot a fait une vidéo synthétique sur le sujet, c'était pas inintéressant. Voici ce qu'on apprend. D'abord, alors, le professeur Fossi a activement cherché à discréditer la provenance du virus depuis le laboratoire de Wuhan. Donc, dans ces échanges, il est même remercié à un moment. Il y a quelqu'un qui le remercie de... Enfin, il y a quelqu'un, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui appartient à une ONG qui cofinance le laboratoire de Wuhan en Chine. C'est une ONG américaine qui cofinance le laboratoire en Chine et qui dit, qui remercie Fauci de nier en public le fait que le virus pourrait être originaire de ce laboratoire. Donc là, il y a une espèce de conflit d'intérêts très curieux. Mais voilà, donc on lui dit merci, monsieur le professeur, de mettre de côté cette thèse. Ça nous rend quand même très, très service. Et par ailleurs, on finance le laboratoire. Bon, voilà. Ça, déjà, il y a quand même quelque chose qui se trouve là. Deuxième point. Il reconnaît dans sa discussion avec des tiers que le port du masque ne sert strictement à rien parce que, dit-il, le virus est trop petit pour être filtré par les mailles du masque qu'on peut trouver en pharmacie. Donc il l'admet, il dit oui, non, non, mais en fait le masque ça sert à rien, ça ne stoppe pas du tout le virus. Au même moment, en public, il appelle les gens à porter le masque, mais plus, il dit même si vous êtes vacciné, il faut continuer à porter le masque. Ce n'est pas ce qu'il dit à ses interlocuteurs par email. Il explique aussi, il reçoit un email. Alors attention, hein, tout le monde n'a pas l'adresse de ce mec. Hein. C'est pas un truc public, voilà, je t'écris un message parce que je l'ai trouvé sur Internet. Hein. C'est un email qui est réservé à un certain nombre de professionnels. Hein. Il reçoit un message... qui est une synthèse, en fait, une étude sur le virus qui conclut au fait que c'est le fruit d'un programme d'armement biologique. Fauci ne répond pas au mail, donc on peut pas dire oui qu'il le reconnaît, qu'il l'admet, mais il reçoit le mail, mais il n'y a pas d'accusé de réception. Mais il reçoit le mail de la part de professionnels qui lui disent, voilà, d'après nos recherches, c'est de l'armement biologique. Enfin, ça entre dans le cadre d'expérimentation à caractère militaire. Voilà. Alors, est-ce que le produit en lui-même est abouti ou pas, ça c'est complètement autre chose. Mais il dit, voilà, la dimension militaire fait partie intégrante du truc. Voilà. Ça, c'était le troisième point. Alors, truc très intéressant, dès février 2020, avant même le premier confinement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas du tout l'ampleur que ça peut prendre et tout, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, écrit à Fauci pour savoir comment la fondation de Facebook, enfin la fondation Zuckerberg, parce que c'est un gigamilliardaire, hein, il s'est d'ailleurs considérablement enrichi, Zuckerberg, entre-temps, il explique comment je peux mobiliser mes fonds en vue d'une campagne de vaccination massive. On est en février 2020. Et ils sont déjà... voilà. Comment on met en place la stratégie de vaccination totale, et comment on fait ça. Donc voilà, je vous ai dit là les points qui ressortent de ce truc-là. Il y a un dernier point, il est en relation avec Delfrécy, donc là le pape noir du conseil scientifique qui donne ses ordres à Macron. Delfrécy lui dit, alors, on a fait des études comme ça a priori sur la chloroquine, il y aurait un effet légèrement positif. Bon, ça nécessiterait plus d'études. Je résiste à une pression politique pour en livrer à la population. En sachant évidemment que là, il y a des implications avec Big Pharma. Hein. Donc il dit, voilà, Delfrécy explique à Fauci, je bloque. Je bloque la chloroquine malgré les pressions que j'ai pour qu'on la délivre en masse. Voilà ce qu'il dit. Donc voilà, vous avez cette série de points-là. Donc je refais une synthèse. Donc voilà. Donc il nie, il consacre beaucoup d'énergie à nier l'origine du virus en lien avec le laboratoire de Wuhan. Il appelle à porter le masque alors qu'il sait que ça ne sert à rien. Il est averti par un petit cercle dont il est proche que le virus provient d'un programme à caractère militaire, voilà, abouti ou pas. En février 2020, Zuckerberg est déjà en train de lui parler de mobiliser les fonds qui sont les siens pour mettre en place la vaccination à grande échelle. Et enfin, Delfrécy, là, qui est à la tête du conseil scientifique, lui dit « Je fais un maximum d'efforts pour ne pas délivrer de chloroquine au grand public malgré les demandes qui me sont formulées. » Et il en informe Fauci. Voilà. Donc là, j'ai fait la synthèse de ces emails qui viennent d'être livrés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, très bonne synthèse. Est-ce que tu parlais aussi des liens avec Bill Gates ? Il y a beaucoup d'échanges de mails Fauci Gates, je crois. Mais oui. Y a pas que ça. Hein. Ouais. Non, mais oui, c'est les points saillants étaient bien décrits. Bah, sur Anthony Fauci, donc c'est quelqu'un qui chapeaute, on va dire, la santé, en particulier dans le domaine des virus, quoi, de la virologie, des maladies épidémiques, depuis des décennies. Hein. Il a servi sous 5 administrations. Et donc, il y avait aussi une petite chose. Alors, c'est dans Hold Up notamment, mais c'était au début du mois de janvier 2016, au moment où on savait que Donald Trump allait devenir nouveau président des États-Unis. Il avait dit, je peux vous affirmer, Fauci avait dit, face caméra, je ne sais pas s'il savait que c'était filmé ou pas, en Géorgie, je crois. Et il dit, sous ce mandat de Donald Trump, il y aura, c'est certain, une pandémie. Une surprise, il avait dit. Surprise outbreak. Donc, une surprise va apparaître. Bon. En matière pandémique. Bon. Je peux vous le garantir. Donc, déjà, c'était quelque chose de curieux. Hold Up avait pas mal insisté là-dessus pour en faire un des pivots de son argumentation. Comme quoi, c'était prévu déjà de longue date. Il y a plein d'autres choses sur Anthony Fauci, mais, Gandalf, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Non, tu peux continuer. Non, bah aussi sur le grand Raoult, on lui avait expliqué mais pourquoi ce traitement hydroxychloroquine, azithromycine serait-il efficace. Il dit bah écoutez, pourquoi m'accuser ou vouloir dire que c'est que moi qui pense ça. Le premier à avoir pensé que contre les coronavirus, la chloroquine pouvait être efficace. À propos du SARS-CoV-V1, donc il y a quelques années, la première épidémie il y a assez longtemps en Chine. C'était Fauci lui-même qui avait pensé que la chloroquine, ça pouvait être utile contre les coronavirus. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a aussi une histoire, alors c'est relaté notamment dans un documentaire en anglais qui s'appelle Plandemic, donc la plandémie, avec une certaine Judy Mikovits, qui est une chercheuse qui a travaillé avec Fauci et aussi auparavant avec Luc Montagnier, et qui a publié un livre qui s'appelle Plague of Corruption, la plaie de la corruption en science, quelque chose comme ça. Bon. Dans lequel elle accuse Fauci de l'avoir mise en prison. Elle a été bel et bien en prison et elle pense que c'est parce qu'elle allait révéler, suite à ses recherches, le lien qui existe entre la vaccination systématique, pas seulement la vaccination contre le Covid-19 qui n'existait pas encore, mais la vaccination en général et l'augmentation des cancers. Et elle pense que c'est à cause de ça que Fauci a insisté, a fait pression auprès de certains de ses amis haut placés pour qu'elle aille en prison. Donc il y a pas mal de choses assez louches autour d'Anthony Fauci. Et là, je crois que pour lui, ça a basculé. Il avait aussi une audition assez récemment. Et Fauci avait dit non, j'ai pas financé, j'ai pas participé aux gains de fonction, ce qu'on appelle les gains de fonction, c'est-à-dire la recherche dans des laboratoires P4, ou Wuhan ou ailleurs, pour que des virus soient développés. Il a dit non, je ne l'ai pas fait, etc. Donc là, il a menti sous serment. Donc maintenant, on sait qu'il a menti, et là, ça commence à sentir le roussi pour lui. Oui, bien sûr, il fait bien évidemment partie de cette cabale. Il est en lien avec Bill Gates, il est en lien avec Zuckerberg, les emails le prouvent. Il est en lien avec, en gros, l'état profond et le grand projet qui se cache derrière, hein, Great Reset, etc., on le sait. De toute façon, il y a des choses très intéressantes là, au niveau statistique sur les effets secondaires des vaccins qui sont relatifs au Covid-19. On sait déjà que statistiquement, il y a beaucoup plus de problèmes que tous les autres vaccins combinés. Donc ça, on le sait en termes de nombre de morts, d'effets secondaires, etc., c'est sans commune mesure. On voit des gens qui sont en pleine santé, qui prennent une première vaccination, une deuxième vaccination, le complément, ils sont complètement KO pendant 24 heures, 48 heures, parfois davantage. Des effets secondaires carabinés comme ça, excusez-moi, ça doit déjà, à minima, poser une question. on parle de gens qui sont parfaitement en bonne santé. Voilà, il y a des gens qui sont stupides, assez stupides pour prendre ce truc. Voilà, enfin, il y a tout ça qui accompagne. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que tout le monde tombe comme des mouches en train de mourir au coin des rues. C'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Je dis que c'est suffisant pour adopter vraiment une posture de défiance. Voilà. Vous savez qui donne les ordres, vous les voyez. Vous remarquez aussi qu'ils ont un nez particulier. Moi, je ne comprends pas les gens qui font confiance à ces gens-là. Je veux dire, je ne le conçois pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font une confiance. Enfin, je sais que ça repose sur des ressorts grégaires dans les foules, mais je veux dire, non, il y a trop d'éléments qui se sont accumulés maintenant pour qu'on suive ce truc aveuglément. C'est plus possible. Une petite chose, tout à l'heure, tu t'es posé la question de savoir si les gens, la majorité des gens, avaient le cerveau en bouillie. Bien, moi je vais quand même rappeler deux petits éléments. D'abord, le premier, lorsque l'épidémie est déclenchée et que des gens choisis commencent à crier au secours, il faut faire quelque chose, on va tous mourir, eh bien, il y a une solution qui est tout de suite trouvée, enfin assez rapidement, il faut créer un vaccin pour protéger les gens. Et à cette époque, plusieurs firmes se décident à découvrir leurs recherches sur des vaccins, etc., etc. On les connaît maintenant. Et ces firmes passent un accord avec les États. On vous fournit les vaccins à condition que vous acceptiez que, en cas d'effet secondaire, les traités, les vaccinés, ne puissent pas se retourner contre nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. La presse ne l'a même pas caché. Ce qui implique une complicité des États qui ont signé. Probablement que les sociétés Big Pharma leur ont dit, écoutez, si vous ne signez pas, ben vous n'aurez pas de vaccin et vous en porterez une certaine responsabilité. J'imagine que ça s'est passé comme ça. Ça, c'est un. Ensuite, il est probable, parce que là, je n'ai pas su fouiller assez loin, il est probable que ces gens ont aussi, je parle des sociétés pharmaceutiques, ont mis sur la table le fait que s'ils exigeaient d'être complètement couvert en cas de problème juridique, c'est parce que leur étude clinique sur les vaccins n'était pas terminée, qu'ils n'avaient pas eu le temps. Or, quand se terminent les essais cliniques des différents vaccins? Et c'est ça qui est vraiment affligeant. Je sais que tout le monde ne le sait pas, mais ça n'a peut-être même pas été caché par la presse. C'est que 3 de 4 vaccins ici dont j'ai le nom, hein, Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson, 3 des 4 se terminent les essais cliniques en 2023. Ça veut dire dans presque 2 ans. Pfizer, c'est le 6 avril 23. AstraZeneca, c'est le 14 février 23. Johnson & Johnson, c'est le 2 janvier 23. Seul Moderna, qui est un peu plus rapide, annonce la fin des cliniques au 27 octobre 2022. Je suppose qu'il s'agit de dates estimées, parce que ils ne peuvent pas savoir avec certitude que la fin des essais cliniques sera terminée ce jour-là. Maintenant, moi, je ne suis pas dans, je ne connais pas le domaine, je n'en dirai pas plus. Mais sachant que, un, vous ne pouvez pas vous retourner en cas de problème, d'effets secondaires ou autres, et que 2, vous vous faites vacciner alors que la moyenne de la fin des essais cliniques sera début 2023, c'est-à-dire dans pratiquement presque 2 ans, il faut vraiment, comme tu le pensais, avoir le cerveau en bouillie. Oui, mais cette idée de... En tout cas, c'est quand il y aura, parce que j'espère qu'il y aura un jour, la vapeur va se renverser et que ces gens-là qui organisent toute cette cabale et ceux qui y collaborent, que ces gens-là soient jugés, bah, ils auront des excuses, ils diront, bah oui, mais On était obligés, c'était l'urgence, le coronavirus tuait plein de gens, donc on a fait un vaccin. Bon, c'est qu'une hypothèse, mais Fourquillon pense que les vaccins sont tous des variantes, voire le Shadox 1 et le Covid-19 d'AstraZeneca qui avaient été fabriqués avant la pandémie. Donc lui, il pensait que le virus et le vaccin étaient fabriqués d'avant. Peut-être qu'il a tort, mais en tout cas, en disant c'était fabriqué dans l'urgence, parce que tout le monde mourrait du Covid, les entreprises pharmaceutiques auront une excuse. Après, ils auront, si le virus n'est pas efficace, si le vaccin n'est pas efficace, pardon, puisqu'on sait qu'elle est, alors souvent c'est les personnes âgées, mais là il y a une communauté de moines qui étaient décimés en Vendée. Là, tout le monde avait été vacciné ou presque. Mais bon, évidemment, c'est des gens qui ont 80, etc. Mais il y a eu 6 ou 7 morts d'un coup. Bon. Le vaccin ne les a pas protégés. Celui qui avait refusé le vaccin est toujours en vie, je crois. Bon. Mais là, ils diront, bah oui, mais il y avait des variants. Il y avait des variants, c'est pour ça que le vaccin n'était pas efficace. Donc, ils ont déjà une double excuse. Bon. Mais tu as raison, hein, effectivement, c'est jouer avec sa santé de prendre ce truc-là, ce vaccin. Que vous soyez en santé précaire ou en bonne santé, méfiez-vous quand même, parce que il se dit aussi que les gens vaccinés seraient, comment dire, diffuseraient ce virus. C'est-à-dire, vous êtes à côté d'une personne vaccinée, vous pensez, ah bah oui, que moi je suis vacciné ou pas, de toute façon, la personne à côté, elle est vaccinée, donc pas de souci. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle en anglais le self-spreading vaccine, pardon de mon accent, mais donc le vaccin qui diffuse lui-même le virus. C'est-à-dire, la personne vaccinée serait une sorte de virus ambulant. Bon. Alors là encore, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est une hypothèse reprise par des gens assez sérieux. Et moi, je vous conseille deux, trois petites choses. Bon, le zinc, on avait déjà parlé, mais parce que le zinc, pourquoi ça fonctionne bien? Parce que le zinc est l'antagoniste du fer, et le fer, l'ion ferrique, est le terrain idéal de développement de toute infection. Donc, si vous prenez, et on avait remarqué que les gens qui étaient morts du Covid avaient toutes des carences en zinc en plus. Donc, c'est une double raison pour penser que le zinc fait partie des choses assez efficaces. Et si vous croyez dans les antipalus, comme la chloroquine, et je sais que en France, c'est pas possible normalement de prendre de la chloroquine, vous pouvez quand même sans ordonnance acheter l'équivalent, qui est un autre médicament antipalu qui s'appelle le bleu de méthylène. Bleu de méthylène. Donc, il y a des médicaments qui sont vraiment pas chers, qui peuvent vous aider, et de prévenir une infection qui peut quand même survenir. Voilà, pour en revenir au point de départ, ce qui pour moi montre bon, il y a beaucoup d'éléments, hein, mais cet élément-là me paraît quand même très très probant. Il n'y a aucune raison de vacciner des adolescents, des gens de moins de 20 ans, jeunes adultes, qui ne souffrent pas de formes graves de Covid, qui n'en souffrent pas du tout, qui n'en meurent pas. Alors qu'on est par ailleurs en train de vacciner des gens âgés dont on nous dit que le vaccin, la vaccination va les sauver. Voilà. Donc vous avez la démonstration par A plus B que l'objectif, ce n'est pas de sauver des gens en danger, c'est bien de les, bien sûr de les domestiquer, mais de les faire rentrer dans un système. J'espère qu'il y aura de la résistance. Voilà, voilà ce que je voudrais dire là. Et dans les emails de Fauci, on voit qu'entre ce qu'il déclarait en public et ce qu'il disait en privé à des acteurs de cette pandémie, on voit qu'il y a une différence. Il y a même de grandes différences entre ce qu'il déclare en public et ce qu'il déclare en privé. Donc là aussi, il y a de quoi s'interroger. Fatalement, s'il ne dit pas la même chose à tout le monde, il ment à certaines personnes et pas à d'autres. J'imagine qu'il ment davantage au grand public plutôt qu'à ses amis auxquels il répond par email. Hein, ça me paraît un peu plus logique. Hein. Des professionnels de santé comme lui, du Sérail, j'imagine qu'il n'est pas en train de leur mentir pendant qu'il dit la vérité et ce qu'il pense au grand public. Plutôt l'opposé, à mon sens. Donc voilà. Donc quand vous voyez que ce mec-là, c'est toute une série de questions ne dit pas la même chose à tout le monde. Pas de raison de lui faire confiance. Juste pour citer ce cas-là, j'ai parlé de la vaccination des enfants que met en place, comment dirais-je, Macron, comme par hasard avec Pfizer, hein, on ne sera pas surpris. Le même Macron qui interdit, c'est intéressant, l'utilisation du vaccin russe. Bon, voit qu'il y a des parts de marché à prendre, visiblement. Bon, tout ça est intéressant. Avant de se séparer, juste un dernier point. L'appel très intéressant de Tristan Mendès, dit France, qui bon, descendant de négriers bordelais d'origine juive, qui dit que, je voyais ça là cette semaine, un certain nombre de journaux, dont Rivarol, ne doivent plus bénéficier du système de subvention indirecte à la presse, notamment pour le portage, parce que, en fait, Rivarol ne dit pas ce qu'il faut dire au plan sanitaire. Le même Tristan Mendès France, qui mène campagne depuis plus d'un an et demi contre ceux qui posaient la question de l'origine du virus, notamment de son l'origine humaine, notamment par rapport au laboratoire de Wuhan. Hein. Il attaquait très virulemment tous ceux qui soutenaient cette thèse avec son comparse juif Rudi Reichstadt pour Conspiracy Watch. Évidemment, pas de mea culpa, hein, pas de reconnaissance du fait qu'il a baratiné tout le monde et qu'il a intimidé tout le monde pour les chasser des médias pour le compte de la juiverie. Et maintenant, il veut virer Rivarol des aides indirectes à la presse parce qu'ils ne disent pas ce qu'il faut dire. Voilà. Donc des gens qui mentent, accusent des titres de presse de mentir et veulent organiser un embargo en sollicitant spécifiquement Roselyne Bachelot qui regardait encore il y a quelques jours les zombies danser lors d'un concert de M. Sirkis d'Indochine qui lui-même est d'origine juive. Le monde est petit. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, si vous voulez, je vous dis, ceux qui ne comprennent pas ça, avec toutes les informations disponibles, et toujours la même origine au problème, si ces gens ne comprennent pas, je ne vois pas la raison de leur parler. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est vraiment, ils sont en train de se faire zombifier par les juifs, s'ils ne comprennent pas, on peut rien pour eux. On peut rien pour eux. Voilà, tel est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un dernier mot avant de se séparer, là-dessus ou sur autre chose? Moi, je ne suis pas optimiste parce que Dans le cas de figure d'un quelconque, je vais pas dire rébellion, mais d'une résistance populaire à cette affaire, je ne suis pas optimiste, parce que nous avons contre nous des grandes puissances financières. Nous avons nos propres gouvernements qui sont contre leur propre peuple. Tout ça mis ensemble. La justice qui est aux ordres, les forces de l'ordre qui sont aussi aux ordres. Quoi qu'on dise, je suis pas optimiste. Quelqu'un d'autre ? Je partage ton avis. Wittmann, Alexis ? Peut-être aux États-Unis, il se passe des choses. Est-ce que, d'une certaine manière, le clan Trump revient ? C'est ce qu'affirment certains. Bon, on va voir. Bah non, mais Trump a été le vaccinateur en chef. Je veux dire, lui, il est complètement discrédité. C'est-à-dire, il se glorifiait de vacciner tout le monde. Donc Trump, on oublie. Bah oui, c'est la plus grande erreur de son mandat, je pense. Ce qui me semble quand même, bon, c'est que il y a des gouverneurs qui ont voulu. Alors, est-ce que c'est sous l'influence de Trump ou pas? Mais en Floride, en Texas et dans pas mal d'États, réouvrir. Et là, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien. Donc déjà, c'est des gens qui sont en total antagonisme avec ce qui est voulu par Joe Biden. Ces États ne sont pas particulièrement vaccinés. La Suède aussi. La Suède également n'est pas vaccinée. Après, je sais que QAnon et tout ça, bon, ça semblait ridicule parce que Trump n'est pas resté au pouvoir et tout ça, mais bon, j'y croyais plus du tout. Ça nous emmènera dans une discussion trop longue. Moi, j'y crois pas. Hein. Je veux dire, Trump, c'est le passé. Il fait de l'agitation, c'est pas sérieux. Effectivement, en revanche, DeSantis en Floride, le gouverneur, ça c'est quelqu'un qui a de vraies chances parce qu'il porte véritablement la rébellion en Amérique contre cette tyrannie que les mêmes cherchent à mettre en place. Donc ça, c'est une lueur d'espoir, comme en Europe, on a la Suède, par exemple, qui fait de la résistance, paradoxalement, parce que sur toute une série d'autres questions, la Suède n'est pas vraiment un exemple, mais sur ce point-là, oui. Mais pour ce qui concerne l'Europe de l'Ouest et la France, on va voir aussi le plafond de vaccination, combien de gens refusent de se faire vacciner effectivement. On le saura dans les mois qui viennent. Hein. Mais il ne faut pas sous-estimer pas du tout le nombre de zombies qui acceptent absolument n'importe quoi pour pouvoir aller passer 15 jours cet été au mois de juillet en bord de mer, si on les laisse partir d'ailleurs, hein, ce qui à mon avis est tout sauf acquis, ou de pouvoir aller boire un verre pendant 3 heures dans une boîte de nuit, parce qu'on est quand même à ce niveau-là, ou voir un match de foot avec la distanciation sociale, etc. Bon, je vous dis, hein, y a une certaine forme d'idéalisation, puis il y a la réalité. Bon, une populace, enfin, pas en intégralité, mais la partie de la population qui accepte tout ce qu'on lui dit de faire comme du bétail, bon, ces gens-là, on n'a clairement rien à voir avec eux. Voilà, il faut quand même acter du fait que tous les jours, on va croiser des gens qui sont des zombies et avec lesquels on a... qu'on côtoie par la force des choses dans l'espace public, mais avec lesquels on ne partage strictement rien. C'est-à-dire que c'est de la viande, c'est du bétail, c'est nourri comme du bétail, ça obéit comme du bétail, et ces gens-là seront traités comme du bétail. Donc, de ce côté-là, et ça c'est le point positif, cette expérience va permettre de distinguer le bon grain de l'ivraie. Voilà. Je pense qu'on peut rester sur une note positive de cet ordre-là. Je vous dis à la suite. Vas-y, Flubert, ouais. J'avais juste une petite anecdote amusante. Dans le cadre, toujours, justement, de la vaccination, vous savez qu'il y a l'Euro de football qui commence dans peu de temps, et la Belgique a son équipe nationale qui est qualifiée. Bon. On nous a fait tout un foin dans la presse belge il y a un peu plus d'une semaine, peut-être une semaine et demie, sur le fait que tous les joueurs qualifiés de l'équipe nationale pour participer à l'Euro allait être vacciné. Et brutalement, voilà que sort une nouvelle depuis hier, une partie des joueurs ne veut pas se faire vacciner. Ah, c'est intéressant ça. Oui, et aujourd'hui, le ministre de la Santé, qui est un ministre, je le rappelle pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qui est un ministre qui, à une certaine époque, avait brûlé des millions indûment perçus par son parti, eh bien, et qui oui, brûlé, quand tu dis brûlé, c'est ce qu'il a déclaré officiellement en commission. T'as dit, il est où le pognon? Il a dit, bah, je l'ai brûlé physiquement. J'ai fait un feu et j'ai cramé l'argent. C'est ça qu'il avait dit. Exactement, oui. D'ailleurs, le fait de détruire de l'argent, je sais pas si vous savez, mais c'est assimilé à la contrefaçon. C'est du pénal. Oui, c'est de la contrefaçon. Mais passons outre. Et le type aujourd'hui paraît dans la presse belge et il fait, ouais. Ils avaient pourtant promis de se faire vacciner. Autant que vous donnez les liens. Ça donne une petite idée. Je crois qu'il commence quand même d'avoir des réactions de résistance. Légères, mais il y en a. Est-ce que Benzema est accepté en équipe de France aussi, moyennant dans la négociation, vaccination publique? J'aimerais en savoir davantage. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine.